pour essayer de s'infiltrer et démobiliser Jean-Pierre Papin pour ce premier but. Avec ce ballon et cette reprise peut-être de Johan Mikou, la frappe et c'est but. Jamais, ce sera pour Cavani. Avec Gourcuff, oh, deux fois, oh, allez, on est de retour dans Girondins, les RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h. On a longuement parlé du match qui nous attend jeudi en première heure contre Vidéoton avec Raphaël Bros du site footballskip.fr que l'on salue. Messieurs, avant, on va attaquer direct plein fer la deuxième heure. On a Dexter au téléphone, on le prend dans quelques instants. Ben, on va le prendre tout de suite d'ailleurs. Allô, bonsoir Dexter. Bonsoir, salut à tout le monde. Bonsoir Dexter. Comment ça va Dexter? Très bien, très bien. Est-ce que t'es comme moi, ça te démange là d'être à jeudi soir? Exactement, ouais. Ah, bonjour, ça me tarde vraiment que la saison recommence, ça fait vraiment plaisir. Alors, t'es dans quel état? Parce qu'on a connu Dexter très, très remonté. Non, t'es dans quel état dans cette saison? T'es impatient parce que tu penses que tu trouves qu'on a une équipe sympathique ou t'es impatient juste parce que la saison reprend? Mitigé entre les deux. Je suis impatient parce que l'équipe est plutôt raisonnable. Elle a pas non plus régressé. Mais j'attends un petit peu plus pour pouvoir m'emballer. Alors, ça te plairait la recrue? Enfin, c'est une info qui dit que Nampalis Mendy, ça a l'air d'être. D'être assez chaud. Mais voilà, bon, on va en parler direct. Ça te procure toi? T'es content? Tu trouves que c'est un bon choix? Tu trouves que c'est un mauvais choix? T'as pas d'avis? Si, ça serait énorme. Enfin, justement, j'ai fait mon mercato là, comme c'était écrit sur Twitter, et il fait partie de mon mercato. Ah bah parfait, bah tu le feras avec nous ça, tiens. Ouais. Donc avec plaisir d'accueillir Nampalis Mendy. On va procéder par ordre. En fait, avant de parler rapidement, oui. Il doit être heureux. Il n'y a plus de trio. Joueur qui voudrait, il doit être vachement heureux. Alors, avant de parler de tout l'allant défense centrale, et évidemment, on consacrera une bonne grosse demi-heure, je pense, voire 40 minutes sur Mercato, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire. Deux petites infos quand même rapidement. On va commencer par celle qui date le plus un petit peu dans la journée. Jocelyn Gourvennec avait précisé que dans la semaine dernière, que si Nicolas Palois, Maxime Pouget et Diego Rolland n'étaient pas fixés sur leur sort, donc en gros, s'ils n'étaient pas transférés d'ici mardi, ils seraient réintégrés au collectif demain. Donc ça va être le cas. Nicolas Palois, Maxime Pouget et Diego Rolland seront réintégrés. Alors, attention, la différence entre collectif et effectif. Ils seront intégrés au collectif. Ça ne veut peut-être pas dire qu'ils seront dans le groupe pour Vidéoton. Voilà, ils seront peut-être pas dans les groupes pour les deux matchs. Mais ils n'étaient pas retenus pour le stage à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, ils vont pouvoir s'entraîner normalement avec les autres en attendant quand même de partir si les choses se décantent. On en parle maintenant, ça, on attend le mercato, Seb? Déjà, c'est sûr, et une chose qui est certaine, c'est que ces joueurs ne prendront pas part à la Coupe d'Europe avant le 31 août. Parce que si jamais ils jouent un match, l'équipe qui recrutera ne pourront pas les faire jouer sur la première. Après, vu les pistes qu'ils ont, Marc, Nantes pour Palois et Fulham et Newcastle pour Pouget et Roland. Il n'y a pas trop de risques qu'il ajoute. Mais dans tous les cas, toi, tu ne prendras pas le risque d'enlever des hypothétiques clubs qui pourraient Jack, il ne doit pas en avoir beaucoup. J'aimerais juste vous poser une question, les gars, parce que ça, globalement, justement, pour revenir sur ce que Marc, tu disais à Dexter tout à l'heure par rapport à Jean-Louis Triot, c'est un truc, les mises à l'écart comme ça, officielles et concrètes, qui n'existaient pas vraiment sous le temps de l'ancienne présidence des Girondins. Vous en pensez la gestion à papa a disparu. Oui. Après, c'est pas un loft, hein, attention. Non, on leur a dit, voilà, réglez d'abord votre situation, on vous donne une date limite. Oui, si c'est pas réglé, vous revenez. C'est pas une vision paternelle. Ça, c'est tout le truc. Vous en pensez quoi de ça? On dit que ça n'existait pas. Enfin, je vous rappelle qu'en Certic, il a passé un temps à pas du tout jouer parce que Sagnol décidait de plus le faire jouer. Moi, je trouve ça content. Par rapport à des mercato, il n'y a pas que ça en plus. Moi, je trouve ça honnête, je trouve ça bien. Je trouve ça plutôt bien, quoi, parce que franchement, on les prend pas au dépourvu, ils savent très bien, ils veulent tous partir, donc c'est logique, quoi, c'est donnant-donnant. Il y a aussi le principe de dire que les joueurs non primordiaux, genre Malcolm, genre Vada, etc., tous ces jeunes-là qu'on veut absolument garder, les fins de contrat, on les voit en fin d'année. Si jamais t'es pas un joueur primordial pour l'effectif, ton contrat il sera négocié en fin de saison. C'est ça. Et ça, c'est pas une vision paternaliste. C'est vrai que le changement change un peu. Moi, sur, ça tombe sur, bien, sur la gestion des trois, moi, je trouve quand même que c'est très très gentil. Alors, Palois, Pungé, on va dire, c'est pas forcément ce qui me pose problème. Moi, c'est plus la gestion du cas Roland qui va me poser problème. C'est que je sens gros comme une maison que Roland va vouloir partir gratuit pour avoir une prime à la signature qui sera grosse. Donc, du coup, moi, je jouerai cash avec lui t'as jusqu'à fin août, sinon tu joues pas de la saison. Donc voilà, et comme ça, tu peux. Ah oui, on ouais, mais tu non, peux... même pas. Zéro match. Tu vas payer un mec à pas jouer, Cyril. Et de toute façon, il va te la faire à l'envers. Roland est quand même un joueur, mine de rien. On oublie tout ce qu'il a fait quand même pour Bordeaux. Non, mais non, il a fait quoi, Roland? Non, mais à un moment donné, on va être clair. Il veut pas re-signer. Il veut pas re-signer. Il veut pas partir. On est d'accord. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça. Le mec, il est là. Tu peux pas te permettre de le mettre en CFA. À partir du moment où il met en CFA, parce que j'ai pas envie de priver un jeune de jouer. Par contre, moi, ce que je veux pas, c'est qu'il parte gratos et qu'il nous nique une indemnité. Mais moi, perso, je m'en fous. Moi, ce que je vois actuellement, c'est que Roland, c'est ton seul attaquant d'expérience que t'as. Je suis désolé, on en a pas d'autre. Alors, à moins qu'on recrute un mec. Il veut pas rester et il veut pas partir en. Donc, tu pénalises ton collectif pour une question d'ego personnel. Je ne le pénalise pas. Bah, si. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut respecter le club. Donc, tu pénalises l'effectif pour des questions d'ego. Pour remplacer Roland, il nous faut forcément du budget. S'il veut nous la faire à l'envers, qu'on puisse pas le remplacer, eh ben on va lui niquer son avenir. Et donc tu pénalises le club. Il y a personne devant. Il y a Laborde, je suis désolé. Laborde, il va faire 50 passes dans la saison. Il a fait une bonne saison, c'est prometteur. Mais Laborde tout seul avec Roland, c'est juste. Roland re-signe d'un an. Aux mêmes conditions, Roland re-signe d'un an, ça me va. Oui, mais le souci, c'est pas forcément la forme. Non, mais on avance pas, alors on progresse pas. Non, mais c'est pas une question de progresser, c'est une question qui nous nique pas. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais oui, je comprends. Oui, mais dans le fond, là, le souci, c'est aussi le club qui, là, parce que là, on regarde que Roland veut nous griller, Roland, tout ça. Mais si le club avait pris le sujet aussi un an en avance, c'est clair. Il aurait deux ans de contrat, et à deux ans de contrat, là, t'es sûr de le vendre. Non, mais c'est ça, il est mal géré. Enzo Vestiaire, en mois de mars, il disait déjà qu'il voulait partir. Mais d'accord, mais alors pourquoi en décembre, on n'a pas déjà vu le club? Et on a déjà dit pourquoi on le vend pas. Il y a plusieurs raisons. Déjà, Roland, il y a toujours eu, j'ai encore vu la dernière fois sur Twitter, ça m'a fait bondir. L'offre de 15 millions de Roland, il n'y a jamais eu d'offre pour Roland. Donc pas à ce prix-là en tout cas. Pas à ce prix-là, oui, d'accord. Il n'y a jamais eu d'offre. Enfin, moi, oui, d'accord. Toutes les personnes à qui j'ai parlé. Oui, on s'est enflammé sur les soi-disant. Il y a eu deux offres claires de Fulham. La première était entre 8, oui, mais pas à peu près 8. Non, mais maintenant je parle. Et la deuxième, il en descendu à 5 pour lui tripler son salaire. Ça a été refusé. Je refais. Je ne vous parle pas de ce mercato-là, je vous parle du mercato précédent, quand Roland avait encore 2 ans. Oui, là, le truc de Newcastle. Voilà. Ça a toujours été bidon, et Bordeaux était déjà vendeur parce que le joueur voulait partir. Ça, c'était une chose. Maintenant, la question, pour moi, elle est double. En fait, tout dépend. Je peux rejoindre Cyril et Dexter, mais à une seule condition. Aujourd'hui, on dit, Roland, soit on arrive à le vendre là, maintenant, soit il partira libre. S'il part libre, il ne portera pas d'argent. Ah, mais s'il part libre, il faut pas le faire jouer. Hein. Non, mais s'il part libre et qu'il n'apporte pas d'argent, l'année prochaine, on devra recruter un attaquant sans le transfert de Roland. Donc, si jamais on part dans votre position de dire tu veux pas partir avant le 31 août, on a des offres, tu les refuses, ok, très bien. Nous, on compte plus sur toi dans tous les cas. Là, maintenant, on compte plus sur toi. Sans compter le salaire que tu vas lui payer alors qu'il joue pas. Oui, mais on va. Que tu lui paieras quoi qu'il arrive. Mais on recrute un attaquant parce que dans tous les cas, il faudra le faire l'année prochaine. Donc, on recrute un attaquant. Dans ce cas-là, je ne pars pas sur un truc aussi extrémiste qui considère dire tu ne joueras sûrement pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison, mais tu deviens numéro 4. Et tu vas jouer très peu. Ouais, voilà. Numéro 4, c'est pareil. Là, tu joues sur les mots. Tu joueras quasiment à la même chose. Tiens, en gros, tu es en train de. Attends, les enfants, numéro 4, mais derrière qui? Oh, il n'y a que Laborde devant. Oui, arrêtez de rêver. On parle de Laborde. Alors, ce que je viens de te dire, c'est que le CEP, tu n'écoutes pas. Si tu vas recruter un attaquant pour la simple et bonne raison, parce que tu sais que tu vas devoir en recruter un. Donc, un attaquant, Laborde, Mendy et Roland en 4. Ah, Mendy, je l'oublie. Roland en 4. Par contre, la question est de dire je ne sais, on a quand même fait un mercato où on a déjà aligné des sous, je ne sais pas quelles sont les finances du club. Et si aujourd'hui Bordeaux était dans l'obligation d'avoir ses 8 millions, je peux comprendre le coup de poker qui consiste à dire Roland, tu sais, tu vas être numéro 3 ou tu vas pas jouer du tout. Par contre, ce que je rejoins aussi Seb en disant, une saison c'est très très long. Alors le problème c'est qu'il reste encore un mois et demi et que dans les offres on a eu un club de D2 anglaise et qu'on peut pas quand même. Mais c'est ça, c'est qu'il est pas demandé en fait. Il y a eu un club allemand et il y a eu un club italien refusé aussi. Après, on met le joueur en face de ses responsabilités. Aujourd'hui, la mise à l'écart du groupe qui consiste à dire que pour l'instant tu vas juste faire les entraînements, mais ça il le fera dans tous les cas, il sera obligé de s'entraîner avec le groupe. Oui, c'est une obligation. On va quand même pas lui payer un entraîneur privé. il va nous coûter quand même assez cher. Je le comprends. Maintenant, on est quasiment rentré dans ce style-là qui consiste à dire, mais Roland, mon cher ami, tu ne joues plus. Donc, oui, mais surtout, c'est ça justement de lui mettre la pression. Est-ce qu'il va peut-être avoir peur de pas faire la Coupe du Monde? C'est ça aussi le. C'est combien d'ailleurs, Roland, juste une question comme ça par mois, c'est combien le transfert? Il me semble que France Football l'avait estimé à 160 000 euros. Oui, c'est ça, c'est en dessous de 200. Ouais. Donc si vous vous êtes prêt à vous asseoir sur 160 000 euros par mois, bien sûr, c'est question de dégoût. On est obligé de le payer de toute façon. Tu le payes. On est obligé de le payer, Seb. Mais donc, quitte à le payer, autant le faire jouer. Mais pas moi, pas pour moi. Parce que, on en revient, c'est une question d'ego. Si tu le fais jouer, ça veut dire que derrière, il va pouvoir négocier un truc qui sera énorme. Donc, il nous aura niqué et on l'aura accepté qu'il nous. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est une question d'ego. Si, Adrien. Non, mais si directement tu lui dis, c'est simple, si le 31 août, t'es pas parti, c'est simple, tu joues pas une minute de l'année. Donc, ta Coupe du Monde, tu te la mets sous le coude. Et là, il va avoir peur par rapport à la Coupe du Monde. Moi, je ne mets même pas numéro 3. C'est la négociation. Après, si tu en as besoin, tu peux jouer. Ok, donc la porte se pète, il prend 8 mois de blessure. Qu'est-ce qu'on fait? T'as droit à un joker médical. Mais dans ce raisonnement-là, tu es dans l'obligation. Dans le raisonnement, mais par contre, c'est un coup de poker. À un moment donné, on a le droit de tenter un coup de poker. Tu lui achètes un entraîneur. Non, parce que le club est au-dessus des joueurs. Il faut arrêter avec ces conneries. Tu sors du vestiaire. Et tu le fais jouer 15 jours comme ça et on va voir comment ça sent. Roland, il va pas prendre le club en otage. Dexter, moi je suis Dexter, t'inquiète Adrien, je t'ai vu. Dexter, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le club, le groupe est au-dessus du joueur. Donc voilà, si le groupe est au-dessus du joueur, tu fais passer l'intérêt du groupe avant l'intérêt du joueur. Et je suis désolé de vous le dire, aujourd'hui il est le 24 juillet 22h19, nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer de Diego Roland car nous n'avons pas d'autre solution devant Adrien. Parce qu'on n'a pas recruté encore. Parce qu'on n'a pas encore recruté. Peut-être que demain, si on recrute un ou deux mecs devant, je te dirais le contraire. C'est bien pour ça que ce que je disais la question est de savoir est-ce que Bordeaux, dans ce raisonnement-là, pour mettre la pression à Roland, va recruter son remplaçant avant qu'il parte. C'est pas bête aussi. Adrien. Sur le cas Roland, l'idée de qu'il va pas jouer de l'année s'il part pas, s'il jouera Gourvennec, en connaissant sa gestion. Plusieurs fois, l'an dernier, on s'est posé la question sur certains joueurs comme Ounas, qui avait fait des coups un peu à l'envers en disant maintenant ça suffit, il va falloir qu'il joue plus. Et nous, on l'a vendu. Non, mais derrière, il n'hésite pas, il remet le joueur dans le groupe. Non, mais ça n'a rien à voir. À aucun moment, il veut niquer le club. Mais rien n'empêche que jusqu'au 31 août, le club peut jouer. Cyril, c'est quand même incroyable. Moi, je suis convaincu que ce qu'a fait Ounas, c'est 10 000 fois pire que ce que fait Roland. Pas pour moi. Si t'as mes têtes de pont, priver un club d'une indemnité de transfert pour l'avoir personnellement. Moi, je trouve c'est la même chose. Et donc donner une mauvaise image de ton club et se comporter comme une merde, c'est respecter le club. Tu crois qu'à Bordeaux, on est à 5-6 millions près? Tu crois que les 5 millions de transferts de. Parce que refuser de se décrasser après un match en insultant son entraîneur, c'est respecter le club. Laisse-moi finir ma question. Est-ce que tu as pas besoin d'un transfert à 5 millions ou est-ce que tu préfères les donner à Roland pour qu'il parte gratos? Je vais te dire la différence, Cyril. C'est que moi, je me base. Oui, je vais te répondre. Moi, je me base sur des faits qui ont eu lieu et qui ont été avérés. Ounas a insulté Gourvennec, a insulté l'adjoint, a refusé de se décrasser, a fait des Twitter, a insulté les Toulousains. Ça, ce sont des faits avérés. Il l'a fait. Toi, tu te fies sur « je sais qui va vouloir nous niquer ». Tu n'en as absolument aucune idée. C'est ton raisonnement à toi. C'est toi qui le dis. Tu n'as aucune preuve. Premièrement, tu n'en sais rien. Voilà, la différence, elle est là. Moi, je me base sur du vrai, pas sur du bidon. S'il ne parle pas le 31 août ou qu'il n'a pas re-signé, je ne le fais pas jouer. Adrien, termine ce que tu veux dire. Non, mais vas-y, Dexter. Non, Seb, je voulais te dire, non, mais Roland, c'est pas un ange non plus. T'en as conscience quand même. Mais je vous dis pas que c'est un ange. Je vous dis que jusqu'à preuve du contraire. T'es en train de justifier le cas de Roland par rapport à Ounas. Mais on sait très bien qu'Ounas, il avait une sale mentalité. Qui tellement Ounas que tu peux pas faire. Ah bah parce que toi, tu détestes pas Roland. Par contre, le mec, il peut nous niquer la gueule et prendre tout l'argent du transfert. Mais tu n'en sais rien. Pour Seb, mais bravo, Roland. Mais ça, c'est ce que toi, tu dis, tu n'en sais rien. Si le mec le fait, tu diras bravo. Non, si le fait, je dirais c'est un enculé. Après, il y a autre chose. Roland, tu peux aussi. Mais je vais pas le dire maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas. Et c'est déjà ce qui est fait de lui mettre la pression. Voilà. Je signale quand même que le monsieur est parti faire un essai à un club de Ligue 2 anglaise. Enfin, il s'est régalé, quoi. Pour négocier son salaire. Je vous rappelle quand même qu'au final, s'il était si pas intéressé par la Ligue 2, pourquoi il y allait? Et que monsieur, en pleine préparation physique, en a profité entre deux nuits d'aller en boîte. Ouais, en boîte, Wimbledon avant, et tranquille. Voilà. Donc, arrive un moment, il a le droit d'être mis en face de ses responsabilités. Deuxième chose, vous prenez en exemple Roland. Vous deux, je vous trouve quand même un petit peu gonflé, surtout toi Seb, dans la mesure où, quand on était voyant, on nous a quand même dit « Roland, ne soyez pas surpris, cet été, première offre, il dégage. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Première offre, il a dégagé. Donc on s'est même, je pense, assis… Non, Ounas. Je parle d'Ounas. Et on s'est même peut-être assis sur une vente qu'on aurait pu faire un peu plus forte. Donc, vous prenez le cas de Roland, je vous signale que Roland, on l'a fait dégager. Donc la question… Non, Ounas. Ounas, on l'a fait dégager. Donc la question est, je vais pas y arriver, Roland, quel comportement on aborde ? Aujourd'hui, il est que… Il faut être dur et ferme. Pour Bordeaux, il faut que Roland parte. Pour la simple et bonne raison. Parce que, un, il ne veut pas négocier, il ne veut pas prolonger. Puis il apporte pas grand chose non plus. Il faut être sur le plan sportif, il faut être. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Ah, non, je suis d'accord avec Dexter. Sur le plan sportif, non. On l'a vu. Roland, il apporte quoi ? Il a joué 4 ans au club, il a été 3 ans, voilà. 3 années mauvais. Déjà, sur 3 ans, c'est vrai que Roland, on a fait un peu. 3 années mauvais, quoi. Il faut se calmer. Et deux, Roland seul devant, dans cette composition tactique, Roland seul devant n'apporte rien. Et rappelez-vous les cachamas, tout le monde, enfin je vais pas voilà, s'astiquer devant. Vous basez que sur les statistiques, but et compagnie. Mais pas du tout, sur le jeu, la productivité. Non mais ça à la limite c'est subjectif, c'est chacun son avis. Mais moi ce que je peux pas supporter, c'est qu'un joueur prenne en otage le club pour sa situation. Mais ce qui est simple, et en conférence de presse il avait dit, la situation est simple. Gourvennec et Martin ont dit ça. Le problème c'est pas on veut faire partir Roland, c'est Roland va devoir se décider maintenant. C'est ça. Est-ce qu'il part ou est-ce qu'il reste? Je suis persuadé. Pour moi, qu'il part gratuit, c'est pas une solution. Ouais, je suis persuadé que dans la tête de Martin, c'est très simple. Tu veux partir, c'est-à-dire maintenant ou dans un an, ou tu veux rester et prolonger au moins d'un an. Si tu veux partir, c'est maintenant. Mais c'est clair, là on est en train de débattre. Mais dans ce cas-là, tu donnes pas la deadline à demain alors, Marc. Mais il y a pas. Ils ont dit avant demain. Pourquoi avant demain et pas dans un mois ? C'est pour réintégrer le groupe. La deadline, elle est de savoir. Il y a jamais. La deadline, c'est le 31 août à minuit. Voilà, la deadline, elle l'a jamais été à demain. Je sais pas d'où tu me sors ça. Au bout d'un moment, Gourvennec en conférence de presse, je sais pas avant quel match amical, avait dit les trois, c'est avant mardi. S'ils ont pas réglé, ils réintègrent. Voilà. Qui réintègre le groupe. Qui réintègre le groupe. Ouais. Réintégrer le groupe. Et ça veut pas dire qu'il part. J'aimerais bien que tu me retrouves cette conférence. Alors je vais te le retrouver puisqu'il faut tout te prouver par A plus B plus C. Alors je vais chercher Gourvennec. Voilà, je tape Gourvennec conférence de presse machin. Non, mais arrête de faire l'andouille. je serais quand même surpris de savoir exactement l'exactitude des propos si la phrase n'est pas sortie de son contexte. Parce que oui, la question était du moment qu'ils sont pas clairs, ils viennent pas en stage avec nous faire les matchs amicaux. Quand le stage est fini, ils réintégrons ça. Mais ça veut pas dire qu'ils vont se mettre à intégrer l'effectif pour les matchs. Bon les enfants, on est en train de perdre du temps, on va passer à la suite. C'est 9 à raison. Concernant le cas Roland, parce que c'est vrai, comme dit Seb, on va passer parce qu'on va pas. On va faire 3 jours là-dessus. Juste en cas de remplacement de Roland, pas d'Ounas, de Roland, il y a des noms qui sortent à droite et à gauche. Par exemple, comme aujourd'hui, on parle de Majid Waris. Les mecs, Majid Waris, c'est combien de matchs pour combien de buts ? Alors. C'est un cas à part. Enfin, je veux dire. C'est pour dire que Roland. Bah sinon tu vas être surpris. Hein. Waris c'est deux fois plus efficace que la Blanc. Non mais d'accord. Mais le prix qu'on va mettre pour un Waris et tout ça. Enfin, je sais pas. Mais on se plaint de Roland. Roland c'est minimum 10 buts. Enfin, à peu près 10 buts. Compétition confondue à Bordeaux, ça rend des services. Et je suis pas sûr qu'avec la valeur de vente de Roland, c'est-à-dire environ 7 millions d'euros, c'est ce qu'ils disent. Oui, il faut taper entre voilà, 5 et 10. On va dire 7 pour être. 7 millions d'euros, à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'on trouve un buteur qui nous plante 10 buts par saison en championnat sans compter les coupes et compagnie. J'en ai un. Je sais pas. Alors, avant de passer à l'emploi de semaine, juste pour conclure, il faut vraiment qu'on avance. Juste pour conclure, les stades de Roland. Je ne sais pas quels sont les stades de Majid Waris. Les stades de Roland, ça va faire David, peur, mais bon. Par contre, ce que je sais, c'est que le 22 juillet, Waris marque dans les fois plus Marc, de buts. Écoute bien, parce que ça te concerne. Dans les colonnes de l'équipe, incroyable. Donc c'est pas moi qui l'invente, hein, dans les colonnes de l'équipe, Joselin Courbenec s'est exprimé sur la situation de Nicolas Palois, Maxime Pouget et Diego Roland. Ouvrez les guillemets, 2 points. Il n'est pas dans l'idée de prendre le risque de se blesser. On rentre lundi. Si mardi leur situation n'a pas évolué, ils réintégreront le groupe de manière normale. Il n'y a pas de loft à Bordeaux. On passe à la suite. Je peux parler de Roland ? Donc ça parlait bien du stage. On peut parler de Roland ? On vient d'en parler pendant 20 minutes, Dexter. Il y a eu des stats un petit peu erronées, donc je voulais juste rétablir si le. Donc il faut pas balancer des trucs faux, quoi. Roland, il est inefficace en championnat, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, en championnat, mais dans les autres compétitions. En Coupe de France contre l'étape, il est très bon. Un sujet qui va sûrement nous diviser, et on a 3 minutes parce qu'après on fait les transferts. Donc vous allez faire vite, rapide et simple. Il y a aucun accord. C'est Bordeaux aurait avancé sur le dossier Nampalis Mendy. Un accord pourrait intervenir vite. C'est une info de notre collègue Gironde Info, qui est en général souvent bien renseigné, et qui dit qu'un accord pourrait être conclu rapidement. Alors, je vais vous lire le tweet exact. Les dirigeants girondins ont bien avancé sur la piste. Un accord pourrait être conclu. Je vous rappelle quand même que milieu défensif, donc Nampalis Mendy, il y avait 3 noms prioritaires. En plus de lui, Ravi Garcia et Otavio. Donc, apparemment, ça se dirigerait plus sur Nampalis Mendy. Ce serait sur une base de prêt ou d'achat ? Alors, un prêt avec option d'achat, d'accord, on ne sait pas, pour une interrogation. Je pense que le fait que le joueur soit blessé, c'est le prêt pour pas prendre de risque. Leicester veut le vendre. Donc, s'il y a un prêt, à mon avis, il y aura une option d'achat. Qui va s'élever à peut-être très cher. À peu près 10 millions. 10 millions. Ah, ça fait lourd pour un. Flamme, ah ouais, ça fait lourd pour un mec qui a fait qu'une seule bonne saison dans sa carrière à Nice. C'est un joueur qui a un six talentueux, quoi, qui a du ballon. Donc, Mais qui déjà, on va faire un tour de table. Contrat ou pas contrat. Non, mais juste qu'il avait je trouve que c'est un petit peu dégueulasse. Le joueur en Ligue 2 à Monaco faisait 30 matchs par saison, a ensuite joué à Nice pendant 3 saisons et a fait 40 matchs par saison. Et il s'est ruiné la cheville. Et deuxième match en Angleterre, s'est ruiné la cheville, il a eu un an d'arrêt. C'est ça. Mais et il est toujours pas revenu. C'est peut-être ça aussi qui fait réfléchir. Toujours pareil, un mec qui n'a pas joué pendant un an. C'est un super joueur. Honnêtement, la saison qu'il fait à Nice, elle est fabuleuse. Très talentueux. Est-ce qu'après un an d'arrêt, il arrivera à retrouver. Tout dépendra, finalement, la question c'est ça. Tout dépendra de l'état de sa cheville. S'il revient à 100%, c'est une super idée. Le mec, il connaît le championnat. C'est clairement gagnant. Voilà. C'est quand même une interrogation. Ce mec-là n'a pas fait de préparation. Et oui. Il sort d'un an d'arrêt. Ah, mais il jouera peut-être pas de suite. C'est pour ça qu'un an d'arrêt va devoir assurer. Si on l'a de manière efficace, ça sera sûrement pas avant novembre-décembre. Ouf, t'es gentil, peut-être Cyril. Moi, je dis même une saison complète. Et du coup, je suis pas sûr. Honnêtement, moi, j'ai juste ce doute. Si derrière, on lui fait des examens poussés et qu'on est à peu près sûr que sa cheville est rétablie, pourquoi pas ? Moi, je dis, ce profil-là, c'est un profil que j'aime. C'est un joueur qui est pas forcément basé sur le gabarit, mais plus sur la relance, sur le jeu au sol, qui a 3 poumons. Après, si on a le moindre doute sur sa cheville, ça risque d'être les très enfants compliqué. On va zapper le débat tout là, on fera vendredi parce qu'on a vraiment pas le temps, et on va donc passer. Dexter, t'as pris tes notes, ton petit cahier, ton petit crayon avec tes joueurs. Alors bon, Clément, t'as pas le temps de le préparer, mais tu vas y penser peut-être en même temps qu'on le fait. Messieurs, c'est parti pour les transferts. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba, Thuram. Non, moi je sais. Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Et non. On va pas parler de tennis. Alors, Marc, est-ce que tu peux nous résumer ça simplement et rapidement ? Simplement, il a été proposé par nos chères nouvelles recrues de faire ce qui se faisait sur RMC, c'est-à-dire avec un budget donné, d'imaginer le mercato que vous feriez à Bordeaux. Le mercato que vous feriez à partir de ce soir. C'est-à-dire qu'on considérait que Silva Wellington était Girondin de Bordeaux, était Girondin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme il fallait que les bases soient les mêmes pour tout le monde et qu'on ne parte pas dans des évaluations totalement foireuses, on est parti du principe que les vraies valeurs de joueurs étaient données par Transfer Market. Alors, oui, c'est vrai, il y en a qui sont un petit peu loufoques, genre par exemple, oui, ça peut varier, Malcolm, 10 millions d'euros, mais c'est dans les deux sens. Donc, on part sur cette base-là. Elle n'est pas parfaite, mais le but n'est pas tant de savoir le nom réel des joueurs que vous allez recruter, mais plutôt les profils et dans quelle optique. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que ce groupe, est-ce que ce groupe vous convient ? Est-ce que vous changez encore beaucoup de choses dans ce groupe ? Voilà, c'est l'idée générale qu'on veut donner, et puis on va jouer. Donc on va commencer par Dexter, puisque c'est notre invité au téléphone. On fera un tour de table, je donnerai aussi ce que vous avez mis sur Twitter. Alors, si vous l'avez pas sur l'effectif actuel, Dexter, déjà, est-ce qu'il y a des joueurs... Alors, on commence par les départs. Voilà. Alors, donc j'ai commencé par les ventes. Alors, Prior, 1,5 million. Pelnar, 0,6. Gilbert, 2,5. Pungé, 1,5. Kaabouni, 0,4. Touré 1,5, Roland 8 millions, ça fait 16 millions de bénéfices. Donc en plus des 15 de départ, ça voilà, te fait ça. Un budget donc, de 31. Je suis à 31 millions de budget okay. disponible. Donc avec ça, tu nous prends qui? Alors déjà, avant je passe par les prix. Donc Verdon, Mancini, Mandanda, Boupenza, mm-hmm. dans des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2. Alors Verdon, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Ah bon? Je tiens à le préciser, oui. Il avait juste un an de contrat. Il était possible dans les prix, donc je vais se tromper alors. Ah, il n'avait qu'un an, d'accord. Ouais, c'est oui, comme je me suis trompé, il est possible dans les d'accord, dans les bon, mais Verdon, on s'en fout de toute façon. Donc Mancini, Mandanda, Boupenza. Il prêter, le prolonger après. Hein. Donc dans les achats, mais j'ai mis direct l'achat de Nampalis Mendy, 10 millions. D'accord. C'est cher. Donc tu l'as compté. Vincent Aboubakar, 10 millions, du FC Porto. Donc il te reste plus qu'un million? Non, 10 millions. Non, je suis à 31 millions. Donc très, très bon choix. Très bon choix. Donc, Rainford Kabbalah, ailier gauche du TP Mazembe, ça coûte 500 000 euros. T'es allé le chercher où, lui, sérieux? C'est un Zambien. C'est un Zambien. Oui, j'en doute pas que c'est un mec d'un. La Zambie, ils ont gagné la CAN. Ils ont gagné la CAN, il avait été très très efficace et puis il est très bon. Tu sais, le TP Mazembe, c'est un super club en Afrique. Oui, oui, non, c'est. Alors, Vincent Inyama, je le prends en doublure de Costil. Il coûte 1 million et il est dans le loft du LOSC. Oui, c'est vrai qu'il se cherche un club, Niamh. Et franchement, je crois qu'il a 34 ans ou 30, 34 ou 36, je veux sans dire de bêtises, donc ça pourrait être très bon pour une doublure. Il est encore sans club. Il n'y a toujours pas de club. Ouais. Tu le fais jouer les Coupes Nationales. Après, je prends Mati Loiris, c'est 4,5 millions. Mm-hmm. Et question, après... Pourquoi tu prends deux pointes? Tu veux jouer en 4-4-2? Non, je prends Aboubakar pour une vraie pointe. Et après, Majid Wari, je le mets en concurrence avec Gaëtan Labande, que je trouve pas assez fort pour le poste. Donc, tu recrées la doublette lorientaise. Mais du coup, alors c'est ça, quoi. C'est, tu veux jouer à deux pointes. Hein. Oui, là, il est un attaquant. Non, pas forcément. Je mets en concurrence. En plus, je sais que Wari et Labande, ils peuvent jouer. Ils sont assez polyvalents. Et en tout cas, je les mets en concurrence pour le poste de deuxième neuf. Voilà. Et en arrière-gauche, je prends Christian Ansaldi, l'Argentin, qui coûte 5,5 millions à l'Inter. 30 ans, polyvalent, il peut jouer défenseur central. Okay. Bah écoute, ça semble clair et rapide. Si vous pouvez tout faire comme ça, ça serait pas mal. 31 millions de budget, 31 millions de réinvestis, donc voilà, je dépasse rien. 0 plus 0, la tête à Toto, on est bien. Donc mon équipe type, c'est Costil, Sabali sur le côté droit, Ansaldi côté gauche, Lefchouk, Toulalan. Texter, juste une question, on a une canne cette année ou pas? Non. Pardon. Maintenant, c'est l'été. Ok. J'ai dit Costil, Sabali, côté droit, côté gauche Ansaldi, Lucuk Toulalan, Nampalis Mendy en 6, Sankare Vada en 8, Malcolm côté droit, Kamano côté gauche, Aboubakar en pointe. Bah ça a l'air pas mal ça. Franchement, c'est une équipe sympa quand même. Ça a l'air pas mal. À mon avis, devant, ça manque un peu de caisse. Ça manque un petit peu de poids devant. Mais je valide quand même Aboubakar au FC Porto. Mais Aboubakar, 10 millions, vous êtes d'accord, c'est pas cher. Aboubakar, c'est un excellent choix. Ouais. Ils veulent s'en débarrasser. Et lui-même veut quitter Porto. Il veut partir. Il veut partir, il a dit donc. Eh ben écoute, Vincent, tu es la bienvenue. Le bienvenu, pardon. Voilà, la question c'est est-ce qu'il coûte vraiment 10 millions d'euros? Non, mais il est dans le. Non, clairement, il coûte 10 millions. Oui, parce que même il y avait Rennes qui était intéressé et ils ont dit que la somme était de 10 millions. C'est ça. Rennes est plus cher à Boubacar. Je viens de réaliser qu'il va me manquer 1 million. Moi, je pense que je vais les trouver. Bon, on fera tourner les mallettes. Ben écoute, ça m'a l'air pas mal, ça, mon petit Dexter. Bah, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est bossé, c'est pas mal. C'est bien. Qui veut se lancer, monsieur, sur son... Bah, David, allez, puisque il a levé le bras avant toi, désolé. Attends, David, tu nous as mis... Non, tu n'as pas fait ton visuel. Bon, il a fait son visuel, mais... Je vais te retweeter. Tu l'as deux têtes, là. Deux micros. Tu l'as deux têtes, là, ce que t'as fait. Bien sûr, je l'ai là. Alors, vas-y. Alors... donc le groupe qui est de 29 joueurs, il faut le dégraisser un tout petit peu hein, pour faire 25-26 joueurs. Donc dans les départs, on a Gilbert, Pungé, Kaabouni, Roland. Pêle-mêle, ça nous fait 9 millions d'euros. Je vais pas vous faire dans le détail. Des ventes, aucun prêt. Là c'est 4 ventes. Hein, on parle bien de Roland, Kaabouni, Pungé, Gilbert. Je pense que Kaabouni, il faut arrêter de le prêter. Roland, voilà. 8. Donc voilà. Oui, non, mais voilà. Kaabouni, c'est une donation. Hein. Voilà, Kaabouni, c'est 0 plus 0. Hein, on est d'accord. 0,4. Hein, bon. Également prêter les jeunes, donc Boupenza, Mancini, même si Mancini pourrait rendre quelques services, on verra, mais je suis pour qu'ils s'aguerrissent en Ligue 1 ou en Ligue 2, comme à Lens ou Reims, ça peut être des bons clubs. Donc ça nous fait une petite enveloppe supplémentaire de 9 millions aux 15 initiaux. Donc on est à 23. Ça fait 24. 24. Voilà, donc sur les 24, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est de trouver un vrai neuf dans le cas où Roland partait. Un vrai neuf, vraiment un Pauleta, donc moi je suis parti sur John Guidetti. Alors, ah oui, je sais, ah, bien ça. Je sais pas si ça vous parle à tous, je pense que oui. Si, si. Voilà, si, bien sûr. Voilà. 25 ans, alors bien hargneux, un peu profil bah, suédois, un peu comme, comme Zlatan, vraiment un peu. Ouais, rugueux quoi. Ouais, rugueux, assez casse-couille, on va le dire comme ça. C'est lui qui tient la sélection depuis. Non. C'est-à-dire que c'est un bon tireur de coup franc. Bon tireur de coup franc, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir un petit peu ses vidéos, c'est un bon... Est-ce que c'est pas lui qui avait tiré la langue à Kurzawa? Alors oui, souvenez de cet épisode. Barrage de l'Euro Espoir. Chez les Bleus. Voilà, Kurzawa, il lui a rendu sa la monnaie de sa pièce. De toute façon, Kurzawa n'est pas très intelligent, donc à partir de là, voilà. Pour faire très rapide sur lui, un ratio de 0,5, c'est-à-dire que c'est un but tous les deux matchs depuis qu'il est pro. Il a eu un petit couac dans l'évolution de sa carrière, il a eu une petite... Il a eu un petit virus qui a touché un petit peu voilà. Qui s'appelle Manchester City, c'est ça? Non. Il a eu un virus qui l'a tenu éloigné des terrains de d'avril 2012 à janvier 2013. Et il a eu du mal à se relancer. Ah, c'est un bon joueur, franchement, mais bonne idée. Quand même. Mais c'est un excellent joueur. Ouais. Je pense que s'il tient le ratio de 0,50 et qu'il fait une trentaine de matchs, ça nous fait 15 buts par saison. Ça peut le faire. C'est pas dégueulasse. Ah, content que le championnat. Donc la valeur, elle est estimée à 10 millions. Il est arrivé au Celta il y a 2 ans. Il aurait pu taper dans un club un peu plus huppé s'il n'avait pas eu ce petit arrêt dans sa carrière. Je pense que ça peut être pas mal, Bordeaux. Je pense. Sous les ordres de Gourvennec, ça peut être bien. On va passer sur le profil du 6. Alors moi le 6 ça va être très vite. Moi j'étais parti sur Nampalis Mendy. Parfait. Voilà, je pense que c'était une excellente idée du club. Si sa cheville, évidemment si sa cheville est rétablie, c'est une des meilleures idées. Et alors en arrière gauche, c'est là où je me suis un peu plus creusé. C'est-à-dire qu'en arrière gauche, moi pour moi on vire Pungé, c'est inévitable. On garde Contento en doublure. Moi j'étais parti jusqu'à vendredi sur Jethro Willems de. Ah, mais il est cher lui, il est bon, alors, mais il est cher. Hein. Ouais, il est cher, et puis alors on va aller vite fait, il vient de signer à Francfort ce week-end. Voilà, donc, c'est ça, c'est fini quoi. Voilà. C'est fini. Ça, c'est donc après, moi je me suis penché du côté de Porto, c'est pour ça que je te dis qu'Aboubakar c'était une excellente idée, Dexter. La Youn. Ah, exactement, ben voilà, tu m'enlèves. La Youn, vraiment. Alors, Alex Telles, c'est un peu plus cher, donc on laisse un peu de côté. Il a pris la place de Leyoun, mais Leyoun, Porto, ils le font jouer plus milieu gauche. Tu peux parler français pour Clémence Aboubakar, je connais, je ne connais pas. Les, alors, Leyoun, c'est un Mexicain, 29 ans, il a toujours joué arrière-gauche. C'est une bonne équipe, franchement. Il a toujours joué arrière-gauche, il est hyper offensif, je pense que c'est exactement le profil que recherche Gourvennec pour faire le pendant de Savali à droite. Enfin, lui, du coup, à gauche, 1m76, si vous voulez sa taille. Il a un peu moins joué cette saison à Porto. Il a joué surtout la saison... Il chose dit combien, du coup? Ah, je sais pas. Mais le mec a fait 4-5 saisons pleines. T'es dans la com, toi, non? Ouais, exactement. J'ai une boîte de com, si ça intéresse quelqu'un. Non, il a fait 4-5 saisons pleines, au Mexique en plus. Là, je sais qu'il est intéressé pour rester en Europe. C'est un Mariano côté gauche, quoi. C'est un Mariano, exactement. Il a dit qu'il voulait rester en Europe. Très bon joueur. Et il a dit, s'il n'y a pas d'offre concrète en Europe, il y a Monterrey qui serait intéressé pour le ramener chez lui au Mexique. Moi, je pense qu'à 29 ans, il a de quoi faire encore 2-3 saisons. Et je pense qu'avec Contento, on aurait 2 bons joueurs à gauche, sachant que... Bon, Contento, en doubleur. Mais on a un mec vraiment qui nous apporterait un excellent pendant à Sabali. Non, ça fait une super équipe en tout cas. Voilà, et donc pour la faire courte, dans le 11, ça nous fait, allez, je l'affiche, Costil, on a Sabali à droite, Lexuc tout là dans l'axe, Leyoun à gauche, Nampalis Mendis en 6, Sankar et les Ragés ou les Ragueurs comme vous voulez. Par contre, t'es pas pro de langue, hein, rassurez-moi. Non. Alors par contre, les Ragueurs, voilà, les Ragueurs Vada à chaque fois, je sais pas trop, mais bon, les Ragueurs Sankaré. Ouais, soit l'un, soit l'autre. Voilà, et après la triplette Camano, Guidetti, Malcolm avec Laborde qui peut apporter. Il faudrait pas casser son élan de l'année dernière, mais Laborde pourra assurer. Ouais, mais Laborde c'est qu'une doublure. Hein, voilà, c'est qu'une doublure. Exactement, ça, ouais. On est d'accord, c'est qu'une doublure. Donc voilà. On est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne équipe. C'est pas mal. Je pense je vais la faire maintenant. Parce que je vais vendre Roland. Moi, j'ai juste un petit bémol. Moi, sur ma façon de voir le foot, une pointe comme Guidetti, je le trouve un peu trop immobile à mon goût. Moi, je trouve qu'il a pas assez de profondeur. Il est statique, ouais, voilà. Moi, c'est ce qui me dérange. Moi, j'aime bien. Et Aboubakar Sirim, ça te plaît plus? Aboubakar, il court un peu plus, mais c'est quand même pas. C'est quand même, alors Guidetti a quand même le même profil, enfin le même style de jeu que Ibra. Ibra, à mon souvenir, il a toujours joué tout seul en pointe. Non mais mais attends, j'ai pas dit qu'il pouvait pas jouer seul en pointe. Voilà. J'ai dit que c'était pas forcément le style de neuf que j'aimais. Voilà, ok. Après, il est très efficace, il est sûrement plus efficace que Laborde et tous les attaquants qu'on a eu depuis des années. Là, on est d'accord. Mais après, c'est pas forcément le style de neuf que j'aime. Et il a 25 ans, il a une petite marge d'évolution. On l'a calculé tout à l'heure rapidement, c'est un but toutes les 138 minutes. Par contre, c'est une grosse carcasse. En coup, j'ai oublié les coûts peut-être, mais Guidetti, il faut compter environ 10 millions d'euros. Il est estimé à 8, enfin 6-8, mais il faut compter à mon avis 10 pour qu'il parte. Et Nampalis Mendy, prêt avec option d'achat parce que je ne l'achèterai pas de suite. Au cas où, on ne sait jamais par rapport à la cheville. Autant le tester une saison, voire pour l'acheter à la fin de la saison. Et alors après, les Youn, il faut compter 10 millions. Donc on est aux alentours de 20 millions sur l'enveloppe de 24. Ouais, donc il nous en reste un peu. On est dans les coups. Donc il y a un truc je ne sais pas si ça me fait de la peine ou pas. Mais au final, si on regarde Laborde, le joueur n'a pas spécialement démérité la saison dernière. Personne n'a dit le contraire. Non, mais il n'a pas démérité. C'était que sa première saison en Ligue 1. Il a progressé. Il a progressé, etc. Ouais, ouais. Et au final, tous, je pense quasiment, on le met numéro 2. Ben c'est normal parce qu'on veut être ambitieux. Quoi. Oui, c'est bien sûr, on va être ambitieux, mais on n'a pas de réel. On espère une saison à 50 matchs aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a des numéros 2 qui sont en fait. Il va jouer bien plus que ça, je suis d'accord. Mais au final, personne ne se permet l'éclosion de Laborde, la réelle éclosion. Je trouve que c'est positif, franchement. C'est positif par rapport aux mentalités des supporters. Je pense que c'est. Tu veux que je dise, Marc, l'éclosion pour moi, je serai plus sur l'an prochain que cette année. Cette année, je lui laisse encore le temps. C'est trop tôt, on va pas risquer. Les gars, il a 23 ans. C'est vrai qu'il a 23 ans. C'est-à-dire que l'année prochaine, il aura 24 ans. Donc, c'est bien. L'éclosion, elle est un peu tardive. C'est un joueur à maturité tard. C'est un joueur qui ne sera pas mature à 27 ans dans son jeu, mais plutôt à 30. Ça, c'est une certitude. Mais c'est quand même. Voilà, c'est juste une remarque comme ça. C'est pas une critique parce que c'est aussi le choix que j'ai fait. Mais c'est un joueur qui a été très bon dans un rôle très délicat quand même, parce que jouer seul en pointe, etc., avec des faux follets, etc., c'est quand même un joueur qui a beaucoup participé au jeu. Ah, il s'est battu, hein. C'est sûr qu'il a, une mentalité exemplaire. C'est un joueur qui aurait mérité, au vu de ce qu'il a fait l'an dernier, de repartir titulaire. C'est ça en fait que je veux dire. Mais il jouera beaucoup de matchs. Après voilà, je considère aussi que si Bordeaux veut passer un cap, il faut qu'on passe un cap quoi. Il aura sa chance. Mais d'après moi, Gorvenek cherche pas de neuf, donc à partir de là. Il cherche des attaquants polyvalents, donc c'est effectivement. Et juste une petite remarque, mais des mecs qui jouent au Portugal, en Italie, niveau salaire, je sais pas si ça prend en compte le site que vous avez là. Voilà, alors on n'a pas pris en compte les salaires. Non, les salaires sont pas pris en compte dans le truc. Ah, sinon on s'en sort pas. Sinon on s'en sort. Sinon on peut pas faire le neuf. Tu peux renégocier tout ça. On part du principe que déjà l'achat va donner aussi une idée du transfert. Bon, vu qu'on n'a pas un budget pour acheter un joueur à 23 millions, parce qu'on avait plusieurs clauses de vente, on sait très bien. Et honnêtement, quand tu as le budget pour donner un salaire à Jérémy Ménez pendant une saison, je pense que tu as le budget pour donner à John Guidetti pour mettre 15 buts. On enchaîne, messieurs. Faire des économies sur l'achat des joueurs et payer les salaires. Je voulais préciser deux secondes. Nampalis c'était pas possible, j'aurais mis la mise sur Joe Ledley. Je sais pas si vous connaissez le gallois de 30 ans. Oui. Il est gratuit, lui, non ? Au Crystal Palace, il est gratuit en ce moment et c'est vraiment un bon milieu, quoi. Ça peut se tenter aussi. Quel est ton attaquant de pointe, que je sache quelle est ton image, s'il te plaît ? Loïc Rémy. Ça y est, là je calme tout le monde. Oh putain, gratuit, bim. Merde, j'ai piscine. C'est t'avais pris Poco. Laissez-le développer son Loïc Rémy gratuit. Laissez-le développer son truc. Allez, vas-y, lance-toi. Alors, j'ai Loïc Rémy gratuit. Voilà. Déjà, qui tu vends? Pungé, Palois. Pungé, c'est 1,5 million. C'est parce qu'il n'aime pas ou c'est parce que. Arambari, Mancini et Cabuni. Boupanza, il n'est pas sur l'image, mais je le prête pas. Mais les trois, je les prête. Gilbert, je le garderai. À part s'il a l'offre. Après, en défenseur gauche. Je prends un jeune du Stade Rennais, Afonso, qui est un latéral gauche qui a commencé à s'exprimer l'an dernier en fin de saison. À deux ans. non, mais en fin de saison, et puis qui est bouché devant par Ludovic Ball. Alors ça serait pas un titulaire en puissance. T'as bouché par Ludovic Ball, c'est dur. Non, mais ça serait, et ça serait pas un passant de Rennes qui vient. Non, mais ça sera, ça, non, non, il vient de Monaco, il vient du Portugal. Mais non, c'est pas un titulaire en puissance, mais comme il y a beaucoup de matchs, il aura l'occasion de s'exprimer. Et en plus, à Bordeaux, contrairement à Rennes, on a les latéraux ont plus de possibilités de combiner avec les attaquants et les ailiers. Donc, il aura plus moyen de s'exprimer et son potentiel me paraît bon pour le prix, vu que c'est 800 000 sur le transfert. Donc, c'est vraiment ça, à limite. Ça remplace Pungé numériquement. Quel radin ce mec. Non mais moi j'ai fait un mercato. Tu prends le grand mec pour remplacer Pungé sans... J'ai fait un mercato gratos football club hein. Non mais voilà, je me suis mis c'est Arcadrien, si vous n'avez pas besoin de sous, faut aller le voir. Non mais j'ai mis un thème parce que du coup je recrute le Crémy, voilà, en pointe, quelqu'un qui va se relancer aussi, mais parce que pour moi la board peut faire le taf en attendant, voilà, c'est un coup à tenter. Et voilà, c'est que des coups à tenter derrière. Ouais, mais tu connais pas son physique, quoi, malheureusement. Oui, mais bon, t'as. Ah, non, mais Loïc Rémy, ça vaut plus rien depuis longtemps, hein, donc c'est hyper risqué. Hein. C'est vrai que c'est très risqué. Et donc, Lolo, mais Loïc Rémy reste un an de contrat, mais Chelsea a déclaré que. Mais c'est pareil, accessoirement. Hein, il reste des. Voilà. Oui. Vous pensez. Ouais, mais Rémy, il est vraiment sur la pente hyper descendante. Les enfants, il va falloir accélérer un peu parce qu'il reste que 13 minutes. Après, au milieu, alors bon, il a failli faire un choix. Et je savais pas que Mendy, je pensais que ça serait pas possible. Mais du coup, j'ai pris un autre joueur de libre qui va faire gueuler aussi. C'est Mathieu Flamini, mais juste pour l'expérience. Vu que t'as une Coupe d'Europe à jouer et en expérience. Bon, voilà. Flamini, tu sais qu'il parle carrément d'arrêter sa carrière parce qu'il a gagné tellement de pognon en bourse que. Oui, c'est ça, le foot, c'est plus sa priorité, Flamini. Ça fait des années qu'il joue plus au foot. Là, il a gagné énormément d'argent. Après, c'est pas la priorité d'Adrien non plus, Vincent Mercato. Hein. Il y a Lolo qui dit qu'il fait du social, le jeune. On est pas mal d'accord. Non, mais je fais pas du social. Là, on est en mode top 6, quoi. Non, mais Lolo, il a parlé de Beauvue, je pense que Beauvue, ça sera possible. Je vous rappelle, et derrière. C'est très bien. Derrière, c'était si je recrutais pas Mendy, je le prenais. Batschuber qui est gratuit aussi. Ah, très bon ça. Donc, du coup, j'ai un mercato à. Afonso, il sort 800. Ah, il y a Roland que je vends aussi. Il y a juste Afonso, mais qui est compensé par le départ de Pungé. Après, c'est que des bénéfices. Ça aidera à payer salaire, sûrement. Et puis, voilà, c'est des coûts qui coûtent rien. Et ça permet de garder toujours de côté pour un renfort au mercato hivernal. Bah, mine de rien, c'est pas si du haut. Et c'est que d'expérience. Ça veut dire qu'on a des titulaires en puissance dans le groupe. Je suis rassuré, tu vas pas pris Poco. Déjà. Non, mais on a des titulaires. Téline, il y est pas. Non, Téline, il y est pas. Et on a des titulaires en puissance dans le groupe. Hein. Sur ma compo, je pars avec Costil, Sabali à droite, Batschuber et Lechuk et à gauche. Pour l'instant, je garde Contento, voilà, vu que je sais pas si mon joueur que je recruterai. Il est bon. Non, mais s'imposerait. Après, au milieu, je mets tout l'allant. Flamini sera sur le banc avec Lehrager ou Vada et Sankaré. Et devant, je mets Loïc Rémy en pointe. En sachant que le temps qu'il récupère tout ça sera sûrement la borne, avec à droite Malcolm et à gauche Camano en attendant, vu qu'on ne sait pas ce que vaut Sylvain. Hein, c'est pas faux. Après, c'est pas vrai, ça, mon petit, oui. Si je peux me permettre, Batschuber, c'est énorme, mais moi aussi je l'aurais mis un, je l'avais même dans mon équipe des libres. S'il lui avait fait une jambe. Mais physiquement, il peut plus jouer au foot, je pense. Hein. Non, mais c'est le meilleur ami Diaby. Ouais, avec Chalke l'an dernier. En tout cas, c'est une super idée, mais après, physiquement, je pense pas qu'il puisse tenir le coup. Tu remarques une bonne idée aussi. Mais c'est encore un joueur, tu le recrutes, mais après, derrière, voilà, c'est pas un coup où s'il est blessé, t'as plus rien derrière. Voilà. La sécu ne prend pas en charge la totalité de son salaire. Enzo, avant de passer à Cyril et Marc, parce que j'ai mal géré le truc, on va finir par les deux gars qui vont nous prendre le plus de temps. Enzo me fait mourir de rire parce qu'il nous a fait des imprimés écrans. D'ailleurs, tu vas devoir modifier le mien. Les images, mais en nous prenant la pub dans notre écran, alors qu'il avait le choix de pas la prendre, tu vois. C'est, je trouve ça, je c'est pas. Je suis obligé de retoucher les photos en les postant. Poste pas la mienne, il va y avoir des modifs. D'ailleurs, la pub est l'élongation du pénis, tu peux nous en parler, Zo. Clément, hors antenne, après l'émission, Marc te racontera ce qu'il a partagé sur Facebook vendredi soir, je te promets. C'est noté. Ah, mais tu note-le, et nous, surtout, n'oublie pas de lui demander. Parce que c'était vraiment quelque chose de grand, c'est le cas de le lire. Enzo. Ouais, bon, je vais faire, rapide, ouais, pour laisser le temps à tout le monde. Donc, au niveau des ventes, je vends Roland, Gilbert, Punge, Pablo, qu'on n'a pas parlé non plus, que je vends directement c'est là cet été. Oui. Cabouni, je le donne. Et je laisse l'option sur Palois qui, si on m'offre un transfert à environ 2,5, je le laisse partir. Donc, ce qui te fait un budget total pour recruter qui fait 14 millions plus les 15, ça fait 29. Avec ces 29, tu avec en fais ces 29, je m'achète un attaquant. Donc, je vais partir du côté du Portugal. Je vais me prendre Konstantinos Mitroglou. 29 ans, il est environ à 12 millions. C'est 205, ah, bon, c'est 205 buts en carrière pro sur 396 matchs. L'année dernière, il a. C'est un peu cher, je pense, en salaire. Ouais, non, mais c'est pas souci. Tu verras à la fin, j'ai tout fait pour. Ça coûte à peu près 27, c'est 27 buts la saison dernière, c'est 55 matchs de Coupe d'Europe. Il a 50 sélections en Grèce. Expérience. Il est, le mec fait 1m88, 86 kg, donc c'est un mec assez puissant, assez dur sur l'homme. Il est assez technique en plus, même s'il a un gabarit assez compliqué. Il va jouer la C1 avec Benfica. Oui, mais ça, oui. C'est pas le souci, ça. C'est, ils ont Jonas devant et Jonas, ils font plus jouer malgré son âge. Un super buteur. Donc, ça fait un salaire. Il a un salaire dans ce monde de 1,8 million. Donc, je pense que même si on peut faire un petit peu, on peut lui mettre même à 2,5, on fait les fous et on lui augmente un peu. Et t'as les charges en France. Oui, bien sûr. Et il faut juste gérer après les jalousies de l'équipe. Bon, c'est ça. Oui. Après, je vais partir juste sur. Moi, c'est mon deuxième achat. C'est à gauche, je vais aussi du côté de l'Inter Milan comme Dexter, mais je vais pas prendre Ansaldi, je vais prendre Davide Santon. 26 ans, il est environ à 5 millions. Bon, l'année dernière, il a pas trop joué parce qu'il était plus joué à gauche, même si de base il était à droite, il est quand même meilleur à gauche. Il est quand même assez technique. C'est Macron, ça, non? Droitier à gauche, qui est meilleur à droite qu'à gauche. Le mec, il est en fin de contrat l'été. Très bonne idée, il est en fin de contrat l'été prochain, donc du coup, ça, on peut l'avoir à pas trop cher. C'est quand même 20 matchs de Coupe d'Europe, une dizaine en sélection avec l'Italie. Et il a un salaire aussi d'un million, mais bon, enfin, je pense qu'on peut réussir à le payer tranquillement. Il est assez offensif, donc c'est plutôt intéressant. Et après, moi, je vais partir sur deux joueurs en prêt. Donc alors j'ai juste je vais faire mon rabat-joie. Il y a un seul défaut, c'est que les joueurs que tu as mis en prêt, notamment celui que tu viens de citer maintenant, le club veut pas le prêter, il veut le vendre. Mais à ton tour. Oui, d'accord. Mais donc non, du coup là sur ce que j'ai mis, du coup j'économise 12 millions sur les 15 millions et les 14 que j'ai récupéré des ventes. Donc du coup j'ai 12 millions pour payer les salaires de Krychowiak que j'essaye de toper en prêt. Donc j'essaye de le prendre en prêt. Bah, c'est quand même un joueur d'expérience, c'est quand même le PSG qui veut le faire jouer, il y a quand même des bonnes communications entre Paris et Bordeaux. J'allais dire Sabali, voilà. Ouais. Donc du coup, eux, ça pourrait leur permettre de le faire jouer, de peut-être lui redonner une petite cote qu'il a perdu un peu durant l'année. Et après, je partirai sur un ailier parce que je pense que avec 4 ailiers, on fait pas la saison, surtout qu'un Touré, il peut se blesser à tout moment, un Malcolm, il peut être affaibli. Et je partirai sur un prêt, en plus le mec va bientôt venir à Bergerac, de Moussonda qui vient de Chelsea, il a 19 ans, il est assez rapide, il est technique. Il a pas énormément de matchs, mais. C'était hier, c'est le 23. Ah, c'était déjà hier. Okay. Bergerac, bah, du coup, s'il peut rester dans la région quelques temps, quoi. Et du coup, je partirais sur lui. C'est pas forcément un joueur trop capé ni rien, mais c'est un joueur qui peut planter ses petits buts dans la saison et mettre quelques passes décisives et provoquer. Y a, dans sa compo, j'aime bien Krychowiak, je dois avouer que je m'étais aussi penché sur le joueur. Le problème, c'est que je me dis, si jamais ce joueur-là, tu dois l'avoir en prêt, tu vas être obligé de le toper le 31 août. Parce que. Tu vas être obligé de soit parce que Paris va pas vouloir te prêter, ils vont vouloir le vendre en priorité. Oui. Et ils te le prêteront s'ils n'arrivent pas à le vendre. Et je me dis, le souci de Krychowiak, c'est que est-ce que je prendrai le risque d'attendre le 31 et de voir toutes mes autres possibilités partir parce que le 31, personne ne me les vendra, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de les prolonger, etc. Donc c'est vrai, s'il y a un qui peut sortir son vibreur sur le téléphone, les mecs, on n'entend que ça. C'est un gros risque, je trouve. Essayer de le choper en prêt, c'est un gros risque et je suis content que Bordeaux ait pas pris ce risque. Ouais, mais vu que j'économise 12 millions, je tente. La différence, c'est que sur Krychowiak, je suis d'accord, mais seulement en attendant, plus tu le prends tard, plus sa condition physique descend. Il est écarté du groupe, donc il s'entraîne tout seul. Donc c'est là que ça devient compliqué. Et je pense qu'il va être vendu. Il a quand même fait d'assez bons matchs dans le passé, mis à part une saison ratée. Et puis si vous regardez un petit peu sa maison d'agent, à mon avis, il n'aura pas de problème à repasser. Disons qu'il n'a pas l'agent de. Il n'a pas son père comme agent, quoi. Hashtag Neymar. Neymar n'a plus son père comme agent. Ouais, c'est Stellar Football. Oui, il a changé. L'agence qui gère Krychowiak. Et personne n'a pris Neymar dans son équipe, là ? Non. À 222 millions. Si, moi j'ai voulu le prendre, mais comme je vendais pas Roland, j'ai dit ça va faire trop. J'ai gardé Roland. Enzo, j'ai surpris de savoir à quel t'as fini prix... ou il t'en reste ? Non, j'ai surpris de savoir à quel prix Krychowiak est réellement en vente. Vraiment. Bon, au moins 20, c'est pas loin d'être bénin. 15-20 peut-être. Ouais, 20, ouais. À mon avis, ils s'en foutent. Ils ont quand même payé 35 ou un truc comme ça. Bah, rien que le salaire, ça doit être dingue. Donc. Ouais, faut qu'ils s'y retrouvent un peu, comme tu dis. Ils l'ont payé 30 ou 35. Moi, je pense que le salaire, ils en ont rien à foutre. Le transfert. Comme Ben Arfa, après, moi, sur Krychowiak, personnellement, quand tu vois le milieu de terrain de Paris, ça renouvelle pas des masses. Il y a peut-être moyen pour lui de ouais, mais pourquoi pas cette année qui arrive, du coup ils vont recruter avec un terrain qui arrive. Non mais Emery il en veut plus donc on est mal, il reste 3 minutes, il y a moi Marc et enfin Cyril. Oula, Marc et moi ça va vraiment pas être long. Ouais, moi aussi ça va être rapido donc Cyril. Donc moi je suis parti. Alors, là c'est une grande manœuvre, c'est l'armée mexicaine. Mais clairement moi j'ai viré tous les joueurs que j'aime pas. Attends, juste Cyril, ton attaquant tu as choisi c'est Djurjevic. OK, merci. Donc du coup moi j'ai viré tous les joueurs que j'aime pas. Donc c'est simple, Prior, Contento, Palois, Gilbert, Pungé, Cabouni, Roland, Touré et Pablo. Ce qui fait 22,65 millions. Donc voilà, les 15 millions, je les prends. Les 15 millions, je les prends même pas. Parce que du coup, je suis parti dans une stratégie trio. C'est-à-dire. Ou la merde. Non, mais des joueurs. Enfin, c'est même pas des stratégies trio. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse en fait. C'est aller chercher des joueurs de championnats plus petits pour pouvoir les exposer et espérer de faire une plus-value d'ici 1, 2, voire 3 ans. Comme Monaco. Sans pognon. Monaco, sans pognon. Tu vois, donc, le Monaco du pauvre. Non, mais c'est la stratégie de Bordeaux. Alors, tiens, oui. Il l'avait pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie. Cavano, mais... Donc, du coup, voilà. Donc, une fois que ces joueurs sont partis, en prix, je rajoute Boupenza, Mancini, Verdon et Youssouf. Ce que j'ai pas mis sur le truc, mais c'est pas grave. Je passe pro par contre Koundé et Nok, notamment, je pense qu'il est prêt à faire quelques matchs en pro. C'est peut-être le seul qui est physiquement apte aux joutes de Ligue 1. Oui, mais techniquement, parce que physiquement c'est bien, mais si c'est un bourrin. Même techniquement, il est prêt. Donc, sur ça, il me faut donc un 6, un arrière gauche, un milieu défensif et un 9 titulaire pour mon équipe. Donc, du coup, sur l'arrière gauche, je prends en prêt Kennedy, qui est à Chelsea. Je prends donc Djurjevic, c'est un attaquant qui est au Partizan Belgrade, qui a mis 25 buts en 29 matchs. Donc c'est typiquement le genre de joueur que Bordeaux peut rechercher. Sur Kennedy, c'est pas avec le pied qu'il est bon avec les balles, lui, non c'est... Il a un bon jeu de tête, par contre. Bref. Il a fusillé à bout portant. Ah bah oui, on peut le dire, oui, fusillé à bout portant. Vous êtes con, franchement. Et du coup, voilà. Donc, j'en étais sur Djurjevic. Donc, c'est un attaquant d'1m83, 1m84, qui est très rapide, qui est assez efficace sur des touches à une balle. Un peu comme Cavani, c'est un profil à Cavani qui est très très fort sur la reprise de volée. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il touche plus de deux fois le ballon, sinon c'est mort. Disons que c'est le type, moi c'est le genre d'attaquant que j'aime. C'est-à-dire que c'est des attaquants de surface qui savent tirer pied droit, pied gauche de la tête, ça va vite. Donc voilà, j'aurais pu prendre un Florin Andon qui se trouve à la Corogne, qui est très très bon aussi. Donc c'est l'international, attaquant international de la Roumanie. Donc ça pourrait être ce profil-là. Donc du coup sur le milieu, j'ai choisi Adam Nagy qui joue à Bologne. C'est le milieu qui a joué pour la Hongrie contre la Hongrie. Alors on voit, très bon ça. Qui est très très bon. Alors, ouais. Un peu comme Mendy, c'est un petit de taille mais qui a une première relance qui est exceptionnelle, qui joue au sol, qui a une grosse activité. Ouais. Et moi c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Et puis après donc sur le banc pour les petites recrues sur le banc, donc il y aurait Schaub du Rapid de Vienne, un bon 10. Aïdou, un défenseur ghanéen qui joue à Marbi, et Philippe, un arrière-gauche de Bucarest. Et enfin, petit plaisir, parce que je trouve que c'est tellement un gâchis ce mec-là, donc du coup je lui ferai une place au Girondin, en prêt, Lazar Markovic, qui est à Liverpool, qui est prêté depuis 3 ans, qui malheureusement n'arrive pas à retrouver ses années qu'il avait à Benfica, et du coup moi j'ai essayé de le relancer. Donc voilà. Bon, c'est pas mal tout ça. Ça se tient. Donc, free, et pour l'instant, franchement, on a tous fait des trucs. Ouais, alors, il reste moins et Marc. Quand même, hein. Donc, grosso modo, mais... sur les 22 millions 65, j'en achète pour 11,9. Donc voilà. Oh, la vache, il te reste 11 millions. Et du coup, mon... c'est cadeau. Mon équipe, ça serait donc Costil, Sabali à droite, Jovanovic tout l'allant, Kennedy à gauche. Donc, milieu de terrain, Nagui, Leraguer et Sankaré. Et attaque, Malcolm, Djurdjevic, Markovic. Ah, l'équipe. C'est honnête. Marco, puis on terminera par moi parce que j'en ai que 3 moi, donc ça va aller vite. Ok, ouais, moi c'est pas non plus très long, je dois avouer. J'en fais pas partir énormément, mais j'en fais quand même quelques-uns. Donc je fais partir Gilbert parce qu'au final je me suis aperçu qu'il me servait strictement à rien dans mon effectif. Pungé parce que je vais en arrière gauche. Je fais partir comme tout le monde Cavouille, mais franchement pour les sous que ça rapporte, voilà. Et je fais partir Roland parce que j'ai besoin de. Je pense que 8 millions c'est très bien payé pour Roland. Donc ça me fait avec les 15 millions de départ 27,4 millions pour le recrutement. Donc je me suis cassé un petit peu le cul pour trouver un arrière gauche, et en fait je me suis dit, vu qu'à garder Contento qui est un joueur on va dire normalement expérimenté et assez vieux, et qui pour moi fait quand même les 6 derniers mois corrects, je me dis que ça me sert à rien d'aller prendre un vieux, parce qu'au final à gauche des jeunes prodiges j'en ai pas, donc autant investir là-dedans. Donc j'ai cherché que des noms bâtards forcément pour pas pouvoir les prononcer. Surtout j'ai fait rien de français. Et c'est Clément qui va nous les proposer donc. Je voulais rien de français. Je voulais rien qui vienne à partie Espagne Portugal pour la simple et bonne raison que dans mon effectif je trouve que des joueurs de ballon on en a, des joueurs de talent on en a, par contre des joueurs de caractère ça nous manque tellement. Donc je suis allé loin là où les bons mecs qui boivent de la vodka toute l'année. Donc j'ai pris Danley Skilcraven de l'Ajax, il a 22 ans, c'est un joueur en plus qui peut dépanner dans l'axe, c'est un joueur qui joue régulièrement, qui a 4 millions, pour moi c'est le... Ouais, non, mais Skilcraven, Marc, excuse-moi, t'inquiète pas, je t'aurai la parole vite fait, mais Dexter note quand même ce soir là qu'on est 1, 2, 3, 4, bon je compte pas Clément parce qu'il a pas fait 5, 6, on parle de mecs qu'on n'a jamais vu jouer de notre vie. Il y a que moi qui... Je vois ça, ouais. Moi, il y a que moi qui fais un mercato. Reconnais qu'on est balèze. Quelqu'un qui voit mon équipe, il dit je les connais, mais les autres, c'est... C'est encore l'espoir de Rennes, mais depuis le début, les mecs, j'en connais 3. Hein. Eh, Marco, en plus, il m'a donné sa... Il est allé chercher, franchement, des super mecs. Vas-y, Marc. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a déjà joué 147 matchs pour un jeune de 22 ans. C'est énorme. En gros, c'est le penchant de Sabali niveau stats. C'est quand même quelqu'un qui a distribué dans sa carrière 20 passes décisives. Je considère que c'est un joueur intéressant. Donc en gros, mon mercato à moi, à gauche, c'est un jeune que je veux. Un jeune d'avenir qui a déjà un petit peu de bouteille. Ensuite, il me restait en gros 23 millions pour recruter et je me suis dit que je voulais pas forcément un joueur qui coûte très cher et un joueur qui me permette rien, même si vous allez tous sourire quand vous verrez le nom de l'attaquant. Mais bon, merci Transfer Market, hein, comme on dit. Donc je suis allé chercher Jonas Gace, qui joue à Schalke. J'y mets quand même le prix parce qu'il coûte 10 millions, mais il a 23 ans. Donc pareil, c'est un joueur d'avenir. Pourquoi je prends lui? Parce que je veux le mettre en concurrence avec Arambari. Et qu'à la différence d'Arambari, c'est quand même un joueur qui a quand même quelques matchs dans les jambes. Et c'est surtout qu'il y a tout l'allant derrière. La Ligue des Champions en plus. Et c'est un joueur qui a la Ligue des Champions. C'est quand même quelqu'un qui a fait déjà 231 matchs dans son... Tout compris, hein, puisqu'il a joué en Bundesliga en seconde division. Enfin, tout compris, c'est quand même un joueur qui joue beaucoup, et surtout pour un milieu défensif, c'est quelqu'un qui sait se projeter vers l'avant. 17 passes décisives quand même en Bundesliga en 121 matchs, c'est quand même pas des stats dégueux. Il arrive à marquer, c'est peut-être un joueur qui prend un peu trop de cartons jaunes pour la Ligue 1, mais c'est quand même un joueur, pour moi c'est typiquement le genre de joueur, tu l'as 1-2 ans, et puis après tu le revends parce que t'es incapable de le conserver, mais je considère que là t'auras fait une bonne OP financière. Alors, pour les cartons, Marc, prends en compte que la Bundesliga est quand même un championnat assez... comparé à la France, tu vois ce que je veux dire. Prendre des cartons jaunes en Allemagne, c'est pas les mêmes cartons que tu prends en France. Oui, non, c'est-à-dire qu'en France, tu prends des cartons pour rien. Donc, je pars du principe que si déjà t'en as pris en Allemagne, je pense qu'en France, tu risques d'en récolter quelques-uns, quoi. Donc, c'est peut-être le petit truc qui me dérange. Et ensuite, alors là, je vous avoue, je me suis un petit peu cassé le cul pour l'attaquant, parce qu'en gros, ce que je cherche dans l'attaquant, c'est un joueur comme Laborde, mais en meilleur. C'est-à-dire quelqu'un capable de jouer seul devant, c'est-à-dire qu'il soit capable de marquer des buts, mais aussi de faire beaucoup de passes décisives. Au début, j'ai vu Mario Gomez, qui valait 7,5 millions, mais qui a été reconduit cette saison. C'est dommage, c'était pour ça moi c'est le top, mais bon, c'est cher quand même. Mais 7,5, c'était pas très cher sur le jeu. Non, mais en salaire, je pense que ça doit coûter cher. Ouais, mais comme on disait. Non, mais c'est une bonne idée en tout cas. Pu mettre pour Rams, c'est quelqu'un dans sa carrière qui a fait 509 matchs et qu'on a mis 295 buts. Voilà, je me disais que c'était le joueur idéal pour faire progresser la board surtout. Bon, manque de peau, il a signé en juin, donc c'était pas possible de le prendre. Donc après, j'ai hésité entre trois profils un peu différents et avec des âges un petit peu différents. J'ai Vincent Janssen qui joue à Tottenham, qui a 23 ans. Les trois coûtent 13 millions dans ma liste. C'est, chacun non. 3 millions en tout. Non, 13 millions chacun, il coûte 13 millions. Vache, voilà. Ouais. Donc, j'ai pas acheté 3, j'ai dû faire un choix. Donc, j'avais lui de Tottenham. J'ai regardé sur les deux dernières années, 38 matchs, 6 buts l'année dernière, et 49 matchs et 32 buts. En gros, il est passé en Angleterre et il stagne un petit peu. Quand il était en Hollande, il cassait tout. Mais quand il était en Hollande, il cassait tout. Donc pour moi, c'est le genre de joueur que je trouve intéressant et qu'on peut aller chercher parce qu'il sort d'une mauvaise passe et que le champion anglais ne lui convient peut-être pas. Après, il va peut-être réussir à s'acclimater. Mais bon, c'est un jeune. Juste à côté d'Harry Kane. C'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Et c'est un jeune qui a 23 ans. Donc c'est aussi le genre de jeune qui, pour moi, fait un petit peu doublon avec la borne, même s'il est meilleur. Ensuite, j'avais Charlie Austin qui a 28 ans, qui joue à Southampton. Austin, pardon, excusez-moi. Charlie Austin, ça coûte cher. Mais 13 millions, comme le. Ah, bah, je me prends le truc. C'est un joueur qui a 28 ans, donc un peu plus de bouteilles. Ah, très bon aussi. Qui a l'espérance. C'est dans sa carrière 138 buts en 271 matchs. Par contre, c'est un joueur qui, niveau stack sur les deux dernières années, c'est pas top. C'est que 22 matchs et 23 matchs en 2007-2017 et 2015-2016 pour seulement 9 buts et 10 buts et seulement une passe décisive. Donc, peut-être un petit peu le joueur trop nonchalant pour réellement jouer seul devant. Et dernier joueur que je vais aller chercher, un Feyenoord, donc je pense qu'il est sous-côté complet, qui s'appelle Nikolai Jorgensen. C'est 239 matchs, c'est 84 buts. C'est surtout que sur ces deux dernières saisons, il fait 42 matchs et 25 buts et 40 matchs et 19 buts, mais c'est surtout quelqu'un qui, sur ces deux par deux fois, a donné 17 passes décisives. Alors je sais que le championnat. C'est du bonne connerie, merde, j'ai perdu le nom. Aidez-moi, Feyenoord. Hollandais, merci. Est un championnat, on va dire, disparate où il y a de très forts et des tout petits. Mais je considère que c'est typiquement le genre de joueur qui te fout. C'est un Ola Toivonen, c'est un Guidetti, c'est des mecs qui font. Ah, ça peut s'adapter, ouais. Voilà, pour la France, c'est un grand joueur, c'est un joueur de pivot, c'est un joueur d'expérience qui a gagné des titres, qui fait quand même 1m90. À ce tarif-là, je préfère Dolberg, mais bon. Ouais, mais tu vois, ah oui, mais Dolberg, c'est plus cher. Bah non, dans le jeu, je crois que c'est 1 million de plus dans le jeu. Ah ouais? Donc, ouais. C'est ah, c'est une bonne idée, ça, Dolberg. C'est 1m90, c'est le joueur capable de prendre des ballons à la tête sur tous les cavernes, parce qu'au final, on manque. Pour moi, c'est le défaut de Roland à l'heure actuelle, c'est aussi sa taille. Donc, c'est un joueur capable de jouer derrière le but, de prendre des ballons de la tête, de marquer des buts et de faire marquer. Parce que je considère aujourd'hui, quand tu as autour de toi Malcolm Camano, ton danger il est partout. Donc, ton attaquant essaye, il ne doit pas juste savoir marquer, il doit faire marquer. Donc, voilà. Donc, au final, ça donne le petit effectif suivant. Si je me retrouve vite dans mes petites notes, parce que forcément, j'ai tellement utilisé vos trucs que je me suis oublié moi-même. Donc ma compo, elle est Costil dans les buts avec Prior en numéro 2. Donc là, il n'y a rien de très nouveau. À droite, c'est pareil. Je ne vends pas tout Lalland. Voilà, je suis pas désireux de le voir partir. Maintenant, s'il part, je le remplace par un joueur du même acabit, sachant que ma paire, ça sera tout Lalland et Leschouk dans l'axe. J'ai donc mon jeune arrière-gauche avec Contento en suppléant. Et j'ai Pelnar qui vient faire le troisième dans l'axe, et le cinquième dans l'axe et le troisième à gauche, donc il joue un petit peu le rôle de piston. Au milieu, j'ai Guess et Arambari. En milieu relayeur, j'ai Sankaré, Raguer et Vada Plasil. Mais dans la mesure où Plasil, je pense que cette année, il va pas trop jouer, surtout qu'il va préparer ses diplômes, etc., je ne prête pas Mancini. Parce que pour moi, Mancini, c'est quasiment le numéro 4, et il va beaucoup jouer. Enfin, il va jouer. Et je considère que c'est quand même un joueur qui a 2 ans d'expérience en Argentine, donc à un moment, il est temps qu'il. un an. Mais comment, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr qu'il ait joué une année entière. Bon, je vais te donner les stats. Et devant, je mets Camano Touré. Touré, pour moi, c'est un invendable, donc je ne l'ai pas mis en vente. Il sort d'une saison blanche avec blessure. Et il a fait dans sa carrière une bonne et une mauvaise saison. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. À lui de prouver, surtout que l'année dernière, il était bien parti. Je mets Camano, Malcolm, Medali Seba et je gagne Pupanza pour faire mon cinquième. Et devant, Jorgensen, Laborde et puis Mendy, puisqu'on l'a recruté. Ouais. Ça aurait pas été mon choix. Pas mal. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne remarque de Dame Sinoff là sur le chat qui dit que personne ne met Wellington dans le 11. Mais parce que personne ne le connaît. En même temps, on connaît pas Wellington, plus les mecs qu'on a. Non, mais Wellington, en fait, c'est un joueur quand même qui, dont le niveau est incertain. Au Brésil, il a réussi, mais si on prend les stats. Alors, en Europe, oui, ça fait peur. Hein. Les stats qu'il a eu en Espagne, notamment en Liga B, c'est pas forcément. Moi, il a. Alors, de ce que je sais, sur ce que je me suis renseigné, c'est un peu le profil à Maurice Belet. C'est-à-dire que c'est l'avant-dernière passe. C'est un joueur d'avant-dernière et passe. Et je voulais préciser aussi, je me suis renseigné là, dans la semaine, je voulais en parler ce soir. Wellington Silva n'a pas pu jouer à l'Arsenal parce qu'en fait, il avait un souci de contrat de travail comme il y a souvent en Angleterre. C'est pour ça qu'il a fait 5 ans en Espagne pour avoir le passeport. Et il l'a eu ? Oui, il a le passeport, il a la double nationalité Brésil-Espagne. Mancini a 16 matchs. Donc, peut-être un petit peu tard. D'accord. Pour ma part, alors je vais essayer de faire. Donc, il y a Lolo qui proposait Armand Terros. Je sais pas qui c'est. Donc, Alors, on fera, après Seb, on dira ce que vous avez tweeté hein, sur le hatchack sur Twitter Mercato GA. Donc, vous avez encore quelques instants pour le faire et puis après, ça sera fini. Il a dit aussi que Gaze n'est pas Gaze. Mais... Alors, ouais. Ouais, franchement, faire des Alors, sur pour ça. Ma part, je vends. Bien joué, Lolo. Je vends mon pack de 4, c'est-à-dire Rolan, Pungé, Touré et Kabouni. Ça me fait un peu plus de 8 et 3, 11. Dans les 12 millions que je rajoute à mes 15, ça fait dans les 27. Grâce à ces 27 millions, je prends 3 joueurs. Je prends un arrière-gauche. Un arrière-gauche qui nous vient de West Ham. Oui. Qui s'appelle Aaron Cresswell. Il a 27 ans. Ce garçon, grosse expérience, 340 matchs, toutes compétitions confondues, donc expérience. On tue bien les militaires américains. Putain, Marc. Il a dit, faut que j'y aille. Arrière-gauche, 400. C'est pas comme ça, 340 direct. Matchs en tant que professionnel, 17 buts, 42 passes décisives pour un arrière-gauche, je trouve que c'est pas dégueu. Mal. 17 buts pour un arrière-gauche, c'est pas vilain. Même si c'est pas la fonction première d'un arrière gauche, mais 42 passes D, ça veut dire que c'est galette quoi. Galette. Très peu de cartons pour un défenseur, il en a pris que 23 en 340 matchs. Donc c'est quand même plutôt. C'est quasiment un match sur 10. Aussi, c'est même moins d'un match sur 10, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, et puis 27 ans, ça peut faire encore quelques petites saisons. Alors c'est mon joueur le plus cher, hein, il a 12 millions, c'est le mec le plus cher que j'ai recruté. Parce que quand je vais vous annoncer les deux autres. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je prends un attaquant. Cet attaquant me coûte 7 millions d'euros et cet attaquant, il est français. C'est André-Pierre Gignac, messieurs, oh, que je vais chercher au Mexique. Parce qu'André-Pierre Gignac, les enfants, mine de rien, c'est un poteau. Il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde en 2018. André-Pierre Gignac, il n'est pas sûr du tout, mais alors pas sûr du tout depuis l'explosion de Mbappé, de Lemar et autres Martial et compagnie. Voilà. D'avoir sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Donc il serait bien malin de revenir un an en France histoire de montrer qu'il est encore là, tu vois. Gignac, partout où il est passé, que ce soit Lorient, Toulouse, Marseille, c'est entre 10 et 20 buts par saison. Donc c'est garanti. La deuxième année, c'est la deuxième année. 461 matchs, compétition revendue. Ouais, en France, partout, au Mexique, partout, il a joué 461 matchs, 200K. Alors attends, 40K, parce qu'il faut que je fasse l'addition. Ça fait dans les 230 buts, quoi. En gros, un match sur deux. C'est quand même pas dégueulasse pour un mec qui a quel âge il a maintenant, Gignac, il a dans les 30... Ouais, 30 ah, ouais, il a 30 31 ans, donc voilà. Avec tous les burritos qu'il a mangé. Expérience de la Ligue 1, expérience de l'Europe, expérience de tout ce que vous voulez. Donc mon attaquant, c'est André-Pierre Gignac. Et je termine avec... C'est horrible. Enfin, ouais, c'est pas pire que les mecs qui sont sur Footmarket. Voilà, j'allais dire, je vois pas en quoi c'est pire qu'un mec qui met 22 buts dans le championnat hollandais ou un mec comme Cyril. Non, je parle en mentalité, quoi. C'est vraiment un mec qui supporte Marseille, qui aime Marseille. Donc moi jamais mais je m'en fous ça, mais je m'en fous moi ce si il vient à Bordeaux et qu'il est pas à Bordeaux je m'en tape si tu veux puis moi je le connais je ça marche aussi tu le connais ouais pour une fois que Clément il en connaît fermez vos gueules la merde non Dexter je comprends ce que tu veux dire mais non mais je sais ce que tu dis mais moi je veux surtout pas de ce genre d'attaquant chez moi quoi Ok. Alors Marc a une réflexion. Marc a quand même dit que Carrasco était. Oui, enfin Carrasco est marseillais, mais il y en a plein les enfants dans ce cas-là. Question de Marseille. Parce que moi, je prends le crédit. Mais parce que Carrasco, il s'est bien adapté au club. Il est vraiment, il est devenu amoureux. Mais rassurez-vous. Sauf que Gignac, maintenant, il a 30 ans, il va pas vouloir être amoureux des Girondins. Je vous le dis. Et Marc, si tu peux modifier, parce que j'ai rajouté un troisième joueur. J'avais mis Gignac et Creswell sur mon truc machin là, sur mon commande, et j'avais pas viré Roland. Samir Nasri. Et je vais te demander de rajouter parce que j'ai galéré à trouver un milieu gauche, mais j'en ai trouvé un qui joue dans un de mes clubs favoris à River Plate en Argentine. Il a 24 ans, il est argentin. Il s'appelle Gonzalo Martinez. Il a une centaine de matchs dans les jambes. Heureusement, tu vas pas dire Mario. Il est polyvalent. Milieu gauche, il peut aussi dépanner un petit peu au milieu, donc c'est un peu. Comment t'écris ça? Gonzalo Martinez. Martinez avec un comme Z, parce qu'il est espagnol. Voilà, avec un Z. Il n'est pas portugais. Avec un Z. Ah oui, j'ai oublié de vous dire Creswell, international. Bon, Gignac, évidemment. Et Gonzalo Martinez est également international. Il a, je sais pas, j'ai vu défiler la stat. Je crois qu'il n'en a pas beaucoup en des sélections, il en a 4 ou 5. Mais c'est quand même important d'avoir un international dans son équipe. Et je me le mets donc milieu gauche titulaire à la place de Cavano, et vous me mettez Creswell titulaire en rotation avec Contento et Gignac titulaire devant avec Laborde en soutien. Voilà, et puis je pense qu'on est pas mal. Tu me mets Silva à droite avec la Malcolm. Il y a Lolo qui vient de te répondre. Gignac touche 400 000 euros mois au Mexique. Il est le roi, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les reins, pardon. Je sais, mais laisse-moi rêver, Lolo, merde. Je sais. Ah, mais Lolo, il est très pragmatique. Je sais que le salaire, ça va être compliqué, mais je me dis, à un an de la Coupe du Monde, moyennant une petite réduction de salaire, si vraiment le mec, on lui dit gros, parce qu'il a 31 ans, c'est-à-dire que la Coupe du Monde, Gignac, s'il fait pas celle-là, il en fait plus. Hein. Il va pas en faire à 36 ans. Mais donc c'est sa dernière chance de faire une Coupe du Monde. Je suis sûr qu'il le fera pas même au Mexique, parce qu'il a déjà fait l'Euro au Mexique. Ah, je sais pas, au Mexique, avant l'Euro, il n'y avait pas l'éclosion de Lemar et d'Mbappé. Là, c'est chaud pour lui. Même s'il revient à Bordeaux, il passe devant Lemar et Mbappé. Même s'il finit à Chelsea et qu'il fait une fois de saison, il ne sera jamais titulaire, il ne sera jamais pris dans le groupe. Pas sûr. Mais, imagine, mais, il vient, il fait une saison après, à 25 minutes. C'est un profil, ouais, voilà, c'est un profil qui claque des buts. Deschamps, il le connaît. Mais Lolo qui parlait de Martinez, oui, de toute façon, c'est un joueur qui fera un minimum syndical. Donc, non, c'est des profils intéressants. C'est intéressant et c'est même. C'est quoi cette blague de merde, sans déconner, mais tu mérites. Moi c'est juste. J'ai pas compris là, Martinez syndical. Ah oui, Martinez syndical. Ah oui, bien joué. C'est Lolo qui a sorti. Bien joué, mais il n'y a pas de moustache, le mien. Non, mais c'est bien. Martinez fera le minimum syndical. Allez vous renseigner pour ceux qui comprennent pas la vanne. C'est Lolo qui avait sorti. Donc, Marc, tu me mets dans mon équipe, Costil évidemment titulaire avec les trois gardiens. Tu me casses les couilles, j'arrive pas à te rajouter un joueur là, c'est le bordel. Franchement, je te le dis. Hein, bah, demande à Enzo, il sait comment. Mais non, il faut que mais non, il tapait juste les prénoms à la place. Il faut que je refasse toute ta putain d'équipe. Écoute, quand j'ai demandé à Enzo là, de la changer tout à l'heure, il a pas tout refait lui. Donc si lui, il a pas tout refait. Mais parce qu'il avait pas enregistré. Bref. C'est pas le même ordinateur, qu'est-ce que j'ai modifié ta compo. Et sinon, celle qu'on fait des supporters. Est-ce qu'on peut en faire. Ah, bah vas-y, on va. Mais pas certaines. Et pas juste, et pour le kiff, mais ça c'était vraiment pour le kiff, je le fais pas, mais vraiment pour le kiff. Cassano vient de lâcher le Hellas Vérone, je dis je l'aurais tenté. Mais Cassano. Bon, c'est 36 ans, c'est oui, juste pour le kiff. Partir à la retraite. C'est juste pour avoir un maillot Bordeaux et qu'il faut qu'il y ait Cassano dans le dos, c'est tout. C'est juste pour le délire. Ouais, mais bon, il est très très bon Cassano, mais bon. Après, le mec, il est cardiaque. Il a 36 piges et. Surtout qu'il y a 15 jours, il disait j'arrête ma carrière. Le lendemain, il fait bon, pour, ouais, le jour même, Cassano, bon, non, je continue. C'est très bien Cassano, il est très spécial. Ouais, je sais, c'était juste pour le kiff de dire Cassano, quoi. Voilà, c'était juste pour le délire. On termine avec la compo, Adrien, s'il te plaît. Des audits des internautes. Oui, alors, attends, deux secondes, il y en a plusieurs. Il y a notamment celle de Malcominho, le petit Malcom, donc. Voilà. Qui met sur le départ Gilbert, Contento, Punjeka, Abouni, Rolan pour 14,4 millions, prête Verdon, Arambari, Mancini, Bupanza. Et arrivé, alors il a dû le faire avant, mais il avait dit Fabian Cher, bon, il a. Il est modifié après. Ah. Et Van Aanholt pour 9 millions. Un arrière gauche hollandais. Adrien, continue ce que tu fais. Adrien, on est déjà hyper à la bourre. Roland, 5 millions et Beauvue 3 millions. Bien joué. Beauvue, ça revient souvent. 26,5 millions, il dépense. Ah, mais Beauvue, il est totalement dans le... Enfin, en plus, c'est un ancien grimpé que... Comment il s'appelle que messieurs, Jordan, donc... il est 23h20, il est donc grand temps de se quitter. Attends, tu rigoles, on a un peu plus de compo des supporters. Ah bon donné, on a trouvé qui, ouais. Non, mais t'as Facebook, t'as tout ça. Dexter, ouais. C'est barre en mobilette. Oui. Il en a eu marre. Et moi les gars, juste pendant, j'en ai pour deux secondes, mais pendant que vous réfléchissez à tout ça, donc j'ai choisi mon mercato aussi. Si j'ai bien ciblé les postes, on a besoin d'un attaquant de pointe. En gros, un attaquant à l'arrière gauche et un milieu. Ouais. Voilà, donc bon, j'ai laissé l'arrière gauche pour l'instant de côté. Je pensais juste donc l'attaquant de pointe, chercher sur Transfer Market. Je suis là sur la piste d'un Suédois qui a été transféré en Belgique il y a pas longtemps. Il a 25 ans. voilà, donc ça devrait être plutôt pas mal. Et ensuite, pour le milieu défensif, un mec qui joue en Turquie, 25-26 ans. Je vous en dis plus dès que j'ai plus d'infos. Voilà. Il y en a un qui était à Rennes qui a signé en Ligue 2 à Lens aussi. Ensuite on a Rico. Je suis très surpris que tu m'aies pas pris celui qui est en Ligue 2 là, l'ancien René là, le polonais Grotchiki. Oh la vache, je pensais que t'allais me le mais Cyril, mais maintenant que tu me le dis, mais complètement mon gars, prends-moi Grotchiki en attaque en plus de Gignac, parce qu'il doit pas être très cher maintenant. Je sais pas, Grotchiki il est en Ligue 2 anglaise donc. Ah mais clairement, mais t'as raison, mais j'avais complètement oublié Grotchiki. Il a signé cette année, non? Ouais, l'année dernière. Ah oui, bon, sinon, accessoirement, on a celle de Rico, ce qui se pourrait vous intéresser. Allez, mon Rico, envoie. Allez, celle de Rico, il met Prior dans les Costil avec Prior. Et puis Poussa Mandanda. Toulalan Jovanovic en titulaire avec Da Silva. Lechfouk, Pennard et Verdon en remplaçant. À gauche, il met Tagliafico, Contento Pennard. Et à droite, Sabali Gagic. Au milieu, on a Octavio et Arambari. Vadal Raguer et Sankare Plasil. Et devant, on a Camano, Silva, Touré, Malcolm et encore Wiginald Silva. Donc il met joue un peu tout le monde devant. Et devant, on a Théodorski, Laborde et Mendy. Théodorski, c'est la Et alors, Otavio, c'est une des pistes qui sont sorties sur le genre d'infos et tout ça. Mais Otavio, concrètement, hein, y a beaucoup de supporters qui se lancent dedans. Mais Otavio, qui l'a vu jouer? Moi, personnellement, je. C'est un gros du Paraná. Oui, mais qui. Mais de tous les supporters qui l'a vu jouer, je ne suis pas sûr que les supporters l'aient vu jouer. Je l'ai vu jouer une ou deux fois. J'ai eu la curiosité d'aller voir un match, notamment face aux Corinthians. C'était la semaine dernière, il me semble. Il a une grosse activité. Le gros problème qu'il y a sur les joueurs comme ça, c'est qu'il faut vendre du sud-américain pour recruter du sud-américain. Niveau donc, place extra-communautaire. Et en sachant que maintenant, Pablo, ça on l'a pas dit, mais vu qu'il est out 6 semaines, on peut penser que Pablo ne sera pas vendu cet été. Donc ça fait une place d'extra-com qui reste bloquée. Arambari semble parti pour au moins faire le début de saison, donc il sera sûrement pas vendu. Donc le seul extra-com qu'on peut espérer vendre, c'est Rolan. Si Rolan ne part pas, aucun extra communautaire ne viendra au Girondin. Sauf retournement de situation de dernière minute de Malcolm ou de. Oui, après, voilà. Si Malcolm, un club arrive avec 30 à 40 millions d'euros, à ce moment-là, c'est possible. Genre le Barça, s'ils vendent Neymar. On discutera. Ouais, ouais. Bien. J'ai vu que Marseille, vous voulez proposer 10 millions. Messieurs. Non, fini. Il est 11h30. À un moment donné, on remballe. Juste pour terminer sur le mercato, est-ce qu'on proposerait pas nos groupes à chacun et les. Oui, on le fera en antenne, ça. Voterait, voilà. Voilà. On va faire ça, exactement. Je vais redonner ma compo complète à Marc ou à Enzo pour qu'il le fasse. T'as rajouté mon milieu gauche. Oui, j'ai rajouté. Parfait. Il veut Camille Grotchiki en plus. Dexter, on va te remercier beaucoup d'avoir passé cette. Dexter, comment as-tu trouvé les compos et lesquelles, laquelle as-tu préféré? Il y avait des bonnes idées, franchement, vous avez bien bossé. Et comme quoi, c'est ça. Ouais, franchement, il n'y avait pas des trucs si incohérents. Non, il y avait, ouais, c'est ça. Justement, il n'y a pas de cohérence, donc non, c'était plutôt. Et j'avais d'autres idées. Qui aurait pu te plaire. Mac Miasga, Gabriel Barbosa, Mbanyang, Duvan Zapata. Non, Mbanyang, ouais. Mbanyang, en prêt, c'est possible. Bon, Gabigol était proposé à Rennes. On va se quitter là-dessus parce qu'il est 11h30 et que demain on travaille. Ouais. Enfin, à part de rien, évidemment. Le fils de Yeboah, d'ailleurs. Merci, oui, et Clément. Merci beaucoup, Dexter. Écoute, on se retrouve. Tu nous rappelles quand tu veux, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, c'était pour moi. Merci à toi, Dexter. Une bonne soirée. À vendredi. Bonne soirée. Merci, Dexter. Merci. Bonne semaine. Par contre, juste, on a quand même d'autres auditeurs. On a quand même demandé aux auditeurs de participer, donc on va quand même. Oui. En citer certains. Vas-y. On a Lorraine Marie Morin qui nous dit prêt Mandanda, Mancini, Verdon, Touré, vente Prior, Contento, Pugge, Roland, Kaabouni. On se fait prêter avec option d'achat Alex Iwobi, jeune attaquant d'Arsenal. Ah ouais. Et on tente Baka du Milan. Baka qui va sûrement signer à Marseille dans la semaine. Oui, ça sera compliqué aussi, mais c'est très bon. Romain nous dit, je vends Prieur, Pungé, Contento et Rolan, et je prends Luke Swo et Batwait et Ben Arfa. Luke Shaw. S-H-A-W. C'est cher, S-H-A-W. Non S-H-A-W. Oui, c'est Luke Shaw. Ensuite, Tutopic Marianne Grande qui nous dit... Poussin, Mandanda, Mancini et Boupenza. Vente de Palois, Touré et Toulalan. Je crois que lui, il nous a fait quand même la vente la plus improbable. Et il recrute Mascarel de Francfort, Manzala de Amiens et Baka ou Suso de l'AC Milan. Ensuite, qui c'est qui nous a fait une vraie compo? Et les gens ont bien bossé quand même. Ouais, certains nous ont proposé. Alors, je suis désolé, les mecs, mais quand vous me dites que vous prenez un DC, un AG et un buteur, c'est un peu trop facile. Le gars dit que tout passe par le coach. Il a défini les postes, c'est au coach de se démerder. Ensuite, Steph Laporte nous dit. Alors, départ Prieur. Ensuite, il fait partir Leschouk et il prend Issa Diop. Il fait partir Palois et il prend Sarr. C'est une bonne idée, Issa Diop. C'est très très cher. Il prend, il vend Gagic et Gilbert et il prend Mandy. Et donc, il remplace pas le gardien. Non, bah pas priori, il fait monter Poussin, je pense. Ensuite, Yvan Pungé, il prend Dalbert. Yvan Arambari, c'est très très cher. Carboni, ça part en Italie. C'est 25 millions. 25 millions. Arambari, Carboni et Yvan Guilavogui. Il prend Guilavogui. Et Yvan. Ouais, non, par contre, je sais pas combien il nous a fait son truc. Et ensuite, Yvan Rolan et il prend Dembélé. Oui, il prend Moussa Dembélé. C'est important Dembélé. De le dire. Ah oui, c'est juste irréalisable. Hein. Moussa Dembélé. Qui est Marseille est dessus également. 20 millions, c'est ça à peu près. Mais on est d'accord, c'est celui du Celtic. Oui. Marseille est dessus également. Ousmane, ouais, après, il faut voir aussi qu'on a dit aux gens de se baser sur la valeur transfert marché. Oui. Et juste un nom à Manchester City, Kelechi Iheanacho. 20 ans. Oui, international nigérien. Très bon, mais visé par des grands clubs. C'est clair que Moussa Dembélé, lui, il nous a refait la défense. À Manchester City, t'as le fils Ayeboa aussi, qui peut être une piste pour les prêts. Marc, un dernier. Ensuite, parce que t'en as combien en tout à faire? Ouais, non, j'en ai encore un ou deux si tu me parles. Allez, vas-y. On a eu des. Bon, bah, quitte à finir à la demi, les 27. Alors, vas-y. Voilà. Ensuite, on a Davis Simeone qui nous dit je prête Mandanda, Verdon, Arambari et Boupenza. Je vends Prieur, Pungé, Palois, Kabouni, Rolan. Donc, il récupère 14,9 millions. Et il achète Boutbouz et se fait prêter Mendy. Et donc, il fait toute la saison avec un seul gardien. Puisqu'il en prête. Il fait monter aussi. Mais non, il en prête deux, il en vend un. Relis ce que t'as dit. Il reste. Comment il s'appelle? Il a dit Poussin et Mandanda, je les prête. Mandanda, Verdon, Arambari, Boupenza. Il garde Poussin. Donc, il garde que Poussin. Oui, voilà. D'accord. Deux gardiens. Ensuite, alors il y en a un qui vend Malcolm et Rolan, et ils prêtent Pelnard, Poussin, Mandanda, Verdon, Mancini, mais il me dit pas qui c'est qu'il prend, donc c'est un peu dommage pour lui. Mais il y a quand même quelqu'un d'autre qui nous a dit qu'il récupérait Rémi en prépayant. C'est Vincent Segui qui nous dit ça. Et bien je lui dis même que Chelsea le libère gratuitement. Tu peux le voir gratos. Ils n'en veulent plus. C'est vrai. Ils l'ont annoncé qu'ils le vendraient. Ouais, comme Paris ne veut plus de Ben Arfa. Donc oui, tu aurais pu faire une attaque Ben Arfa, Rémi et Ghezal. Non, peut-être pas Ghezal, mais c'est vrai que. Et tout ça pour zéro. C'est possible de prendre Ben Arfa gratuitement. La berger, mon gars. Mais bon, Ben Arfa, ça me paraît. Ah non, la Ben Arfa Rémi Ghezal, c'est la gerbe. La gerbe. Ouais. Oh, la classe. Ghezal, Rémi Ben Arfa, la gerbe. Mais, franchement, t'as la MSN, la BBC et la gerbe. T'es pas. On est bien. Voilà. Et la mort, on avait l'an dernier. On vous invite à réécouter l'interview de Nissa Savic. Oui. Vous avez déjà été 3000 à avoir écouté le podcast qu'on a posté. Samedi. Et je l'ai écouté cet après, mais c'est vrai que les gars, il est excellent, bravo. Ah ouais, franchement, ouais. On n'a pas fait exprès, mais c'était bien. Voilà. Donc on vous invite à aller la réécouter. Il y a pas mal de choses dedans. Donc c'est assez sympa. On vous remercie d'avoir participé, notamment dans le jeu. C'était sympa. On voit qu'il y en a qui ont bien bossé. Donc c'est cool. Attends, c'est quoi? Il y en a qui ont bien bossé. Il y en a qui ont bossé 5 minutes avant le début. Si surtout ça peut donner des idées à notre direction. Parce qu'on en a sorti un paquet, des mecs. On pourra faire une liste de tous les joueurs qu'on serait allé recruter derrière. Et puis vous voulez proposer, qu'on peut proposer, je suis pas contre, nos effectifs au vote. Après, il y a des réalités qu'on connaît pas, mais on peut proposer effectivement les effectifs. Mais moi, je me dis, tu vois, sur tous les joueurs qu'on surtout a, qu'on a une base de télé-réalité. Qui il faut réussir à mettre la balance et des budgets pour les deux. Voilà, j'allais vous le dire. Alors, le résultat de la question que personne ne se pose, pourquoi le club hongrois que rencontre Bordeaux jeudi s'appelle Vidéoton? Et oui, on se la pose pas souvent cette question. Tiens, ça va te perdre, Clément, les réponses. Parce que, donc il y avait trois propositions possibles, est arrivé en dernière position avec 13,1%, parce que c'est la classe à l'international, ça saute limite espagnol. T'es Vidéoton. El Sporting de Vidéoton. En deuxième position avec 24,1%, moi perso c'était ma préférée, parce que c'est toujours mieux que Radio Lamproie, Télébrochet, Web Morue. Ça c'est classe. Ouais, d'accord, ça méritait largement d'être numéro 1 ça. Eh ben non, puisque à la large majorité, presque 63% des votes sur 200 votes, parce que le nom de la ville, c'est Kesferar. C'est pas homologué. Voilà. Trop sérieux. Ils sont trop sérieux, ces gens. Ouais, les gens sont trop sérieux. Gens sont trop premier degré. Peut-être qu'ils ont pas compris. On remercie. Et encore un vote, on sera à 200. C'est pas mal pour une question de reprise. Adrien va voter, ça fera 200 piles. C'est un devoir citoyen. On remercie évidemment tous les gens qui ont voté. On remercie également les auditeurs qui étaient présents sur le chat ce soir avec nous. J'ai plus les noms, mais merci à vous, Lolo, Sip, enfin il y avait plein, Dame Sinov. De la tribune Gold en général. Exactement. Merci Moussa Mazou, n'oublie pas. La tribune Gold, franchement, désolé, vous perdez votre émission. Donc maintenant, on peut le dire, on est la seule émission radio FM de supporters. Vous accueille à parler vous des Girondins, nous vous accueillons. Nous sommes un pays de terre, une terre d'accueil. Vous êtes les bienvenus. Avec ou sans papier, vous êtes bienvenus. Et d'ailleurs, je proposais ça à l'heure en antenne. Jeudi, premier match de l'année. Si ça vous tente. Et s'il pleut pas. Jeudi soir, on peut se faire un petit rendez-vous, 19h30, à la buvette du Virachude. Et on peut se faire un petit 20 contre 20. Un petit plan à 20. Un 20 contre 20. Allez. Non, mais oui, t'arrêtes. Et sous réserve qu'évidemment il ne pleuve pas et qu'il fasse pas mauvais, parce que la météo elle est un peu. Si on est à la buvette du virage. Ah, dans le stade tu parles. Ah, d'accord, je croyais devant sur le parvis. À côté du local des ultras, et puis on peut se faire un truc. En plein milieu du virage. Voilà. Oui, voilà, oui, parce que. Comme ça les gens après peuvent. Qui a un point de repère, escalier 20. Escalier 20. À la buvette, Oui, c'est une bonne. Donc du coup, voilà, donc il y aura sûrement moi, il y aura sûrement Seb, etc. Ah, moi je m'en fous, les gens ne connaissent pas, donc ils connaissent plus vous, vos tronches, parce que vous êtes sur. Il y en a un qui joue l'incognito à chaque fois. Ah, mais moi, les gens, moi je suis peinard. C'est-à-dire que moi je mets ma photo de Seb, de Steven Gerrard, je balance des trucs que sur Facebook, je suis pas sur Twitter, les gens ne connaissent pas, à part évidemment ceux qui viennent ici, Cyprien, tout ça, les réguliers, ou voilà. Mais les gens me connaissent pas, moi. J'ai l'impression que le jour il y a quelqu'un qui a reconnu Cyril quand même. Et c'est là le début de la notoriété, mon gars. Voilà, salut. Ouais. Comment ça va? Il n'a pas voulu un autographe, par contre. Bon, il s'est vite barré quand il a vu la vérité. Hein, mais... Il a dit, ah, c'est bien, qu'est-ce que je m'imaginais. Messieurs, merci à vous. On remercie nos auditeurs. Moi, je fais un coucou à mon papa. Et voilà. Et on la se retrouve. À Laurent Chatry. Jeudi 20h30, la bise à Laurent Chatry. Jeudi 20h30, venez au stade Bordeaux Vidéoton. Allez vous abonner avec les UB si vous voulez vous abonner avec les UB, ou avec le club si vous voulez vous abonner avec le club. Mine de rien, on rigole, mais est-ce que ce match-là, on en parlera peut-être vendredi, n'est pas un des matchs les plus importants déjà de la saison? Ça commence. Les 4 matchs qui arrivent, c'est les 4 les plus importants, mine de rien. C'est toujours le prochain match qui est le plus important. Tant qu'on en ait plus. Allez les enfants, merci, on se retrouve vendredi 21h-23h pour parler de tout ça, et on aura peut-être deux invités. Peut-être, c'est pas sûr. UB, je confirme ça dans la semaine. Et juste, venez au stade, parce que sans déconner, la Coupe d'Europe, vous l'avez attendue toute l'année dernière, c'est clair, etc. C'est clair. Tout le monde l'a rêvé. T'sais. Et là, c'est maintenant la Coupe d'Europe. Hein. Vidéoton, là, c'est Coupe d'Europe. Oui, parce qu'on rigole, mais ça peut s'arrêter dans une semaine. Bien sûr. Enfin, dans souvenez-vous le Carrera Talmati, là, sur le but de Crivelli, tout ça, là. Voilà. Donc profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est plus là, Crivelli. Donc il ne pourra plus nous mettre cette. Et Crivelli sera plus là pour nous. Il n'y a plus comme ça, il pourra. Allez, messieurs, merci beaucoup. Rendez-vous vendredi. On vous souhaite une bonne semaine, un bon match jeudi. Merci David, merci Marc, merci Adrien, merci Clément, merci Seb. Passez une bonne semaine, une bonne soirée, un bon match, à vendredi, et allez Bordeaux! Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM. Faux départ, vous y avez cru? Eh ben non, faux départ, on n'a pas fait les phrases. On recommence, Cyril. Le seul unique Didier Sénac. Donc voilà. Et spécial dédicace à la FDJ quand même. 3 sur 9, c'est beau. Ah, ça c'est pour moi. Un seul animal, la loutre, une seule mentalité insoumise, virage et. Thibaut Pinot, hé hé. Allez, Rudy Bollard. Ça c'est classe. Ouais. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, il est là le gamin. Dans ton cul, Vidéoton. 3-0. Oh. Ah, pété le micro. Bah, ah bah, ouais. J'en ai pété le jingle, disons. Alors, voilà. Toujours plus loin, je valide. Toujours plus fort aussi. Toujours plus haut, ça sert strictement à rien. C'est pas diabaté. Eh ben, il aura fallu attendre 23h35, mais on a une bonne vanne à droite. Ouais. Et pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Allez, merci à vous. Bonne soirée, bonne semaine. Et cette fois-ci, on est vraiment parti. À vendredi. Lundi et vendredi de 21h à 23h, écoutez Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondinanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans GA!